moi si tu veux vivre. Et une chose encore. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Bienvenue dans Date de sortie, le podcast qui visite ou revisite des films de manière rétrospective en fonction de leur date de sortie. Aujourd'hui, je vois Thomas qui s'insurge déjà. Oui, j'ai pas tout compris en fait, mais je me suis dit, elle part dans quoi? Wow. 4, 3, 1, 0. C'est travaillé comme lancement en tout cas, hein. on peut pas lui enlever ça, Jess. Donc, j'allais dire aujourd'hui, direction janvier 2023, et avec moi, comme toujours, vous l'avez déjà entendu, c'est Thomas. Voilà, Thomas, ça va bien? Ah, ça va super. On a une brochette de 4 films exceptionnels à traiter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner le film du titre? On va monter crescendo, je pense. Tu veux les films qu'on va traiter aujourd'hui? Le tien, en tout cas. Quel film as-tu choisi pour janvier 2023? J'ai choisi Vaincre ou mourir, film sur l'épopée vendéenne de Charette. Alors là, tu voulais dire la véritable histoire de Charette. La vraie vérité. La vraie vérité véritable, et on en parlera tout à l'heure, de François Athanase Charette de la Contrie. Le mec s'appelle Charette. Oui. Vous l'avez entendu également avec moi aujourd'hui, il y a Storm. Comment ça va, Storm? Et quel film as-tu choisi pour janvier 2023? Alors, ça va bien. Et moi, j'ai choisi le meilleur film des quatre. De toute façon, c'est indéniable. J'ai choisi Psycho Gorman. Est-ce que ça fait une culbute au niveau de la date de sortie pour celui-ci? Oui et non, on va dire. Oui et non, hein, voilà, aussi que ça. La sortie d'un festival au Kyrgyzstan. J'ai été chercher la sortie VOD en Russie au 1er janvier 2023. Ça compte. Still compte. Moi, je suis emmerdé parce que moi, je me suis fié à ce que j'avais préparé depuis longtemps et j'ai regardé Project Wolf Hunting, moi, à la place. Il est bien aussi, hein, c'est pas pareil. Hein. Ce qui est pas mal, c'est que je l'ai vu aussi, donc si tu veux, on peut en causer. Flo, je l'ai vu aussi, donc c'était bon. Et donc forcément, avec Salut, nous ce soir, moi j'y vais. Il y a Flo, et Flo, tu peux aussi nous balancer le film du titre que tu as choisi pour janvier 2023. Eh ben moi tu m'as pas demandé, mais ça va très très bien aussi. en tout cas, c'était hyper hyper plaisant d'enregistrer avec vous ce soir. Salut, hein. Et j'ai choisi le film Les Cadors. Film français. Tout à fait. Ouais. Vaincre ou mourir aussi. Étonnant. Hein. Ah, oui, film français. Voilà. Vaincre ou mourir aussi. Après Vendéa. Je pense que Jess me fait du mal. Vendéa. Je trouve que la poupée vaudou qu'il y a derrière elle me ressemble beaucoup. C'est vrai. Avec les aiguilles les dedans. Non, c'est un mirage. Et sinon, toi, Jess, alors, à ton tour, qu'est-ce que tu nous as choisi comme beau film? Alors, moi, j'ai choisi un film qui s'appelle Woman Talking. Et voilà. Comme la distance. Les gonzesses qui parlent en québécois. Le titre n'est pas menteur. Elle parle pas en québécois. Oui, de quoi? Hein? Elle parle pas en québécois. Non, je dis le titre en québécois, les gonzesses qui parlent. Le titre québécois du film, c'est Les gonzesses qui parlent. Les gonzesses qui parlent. Vrai ou pas? Ou anecdote fausse? Non, je pense pas. J'ai pas... Non, mais je suis sûr qu'on doit pas être loin. Ouais. Ça se trouve. S'ils l'ont traduit, je pense qu'ils l'ont traduit. Les femmes qui parlent. Ouais, parce que par respect pour le message du film, si t'appelles le film Les gonzesses qui parlent, t'as rien compris au truc. Ah non, en québécois, ce qu'elles disent. Ce qu'elles disent, ok. Voilà. Ah tiens, c'est bizarre que pour une fois, ils ne traduisent pas littéralement le titre d'un film. C'est vrai. On va commencer directement avec le film de Storm, Psycho Gorman. Ouais. Ouais, et... comme ça, je peux me casser après, c'est super cool. Voilà, ils sont peut-être pas contents. Ils ne voulaient pas passer en premier. Parce que, historiquement, l'ordre des films, c'est aussi un petit peu au niveau du ressenti du groupe, de la qualité des films. Donc, le premier, c'est pas forcément le plus successful. Mais, ouais, désolé. Voilà, donc vous aurez compris pourquoi je passe souvent en premier ou en deuxième. Voilà. Mais c'est bien, hein, maintenant tu as graduated, comment on dit C'est ça. Il a évolué. J'ai level up. T'es un Pokémon phase 2, en fait. Mais après, tu stagnes un peu sur la phase 2. C'est un Florizard. Allez. Pardon, pardon. Allez, Psychogorman, vas-y. Attends, je te cède le micro. Parle-nous de Psychogorman. Many moons ago, a nameless evil was imprisoned in a place far beyond reach. Hurry up! If he were ever to be released, it would spell certain doom for all existence. Is that fear I smell? Your planet will be torn to pieces, and I will Mimi, treat your fuck. Screams as I rip. Is this yours? Speak? Oh my god. The gem of Paraxenike. Whoever wields it is able to command me. Go over there. And wait for us to come back in the morning. You will suffer an eternity for this! Bye! Mom, Dad, I want you to meet Psychogorman, or PG for short. I will bathe in your blood. Don't worry. Be worried. Go down! He's gonna kill everybody, not unless I tell him to. Oui, alors donc, bah moi j'ai choisi Psychogorman, donc comme je vous l'ai dit avant, qui est donc sorti officiellement en 2020, et moi j'ai été chercher la date de la sortie VOD en Russie au 1er janvier 2023. Donc habile. C'est un film... Habile, hein. D'ailleurs, je suis même étonné que les Russes aient eu ça. donc c'est un film de Steven Kostansky, donc qui a quelques films... à son compte, donc moi je connaissais et que j'avais vu. Donc The Void, que je n'avais pas trouvé trop mal. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Il a fait des segments dans différents anthologies d'horreur, donc comme ABC of the Death, le deuxième épisode. Il est aussi réalisateur d'une série qui, moi j'ai pas vu, mais apparemment qui a l'air bien cotée, qui est Divorced Dad. Je sais pas si ça vous cause ou pas. Pas du tout. Ok, je sais pas, j'ai vu qu'apparemment c'était bien coté, les notes étaient relativement bonnes, j'ai vu du 7,6 sur IMDB, donc apparemment la série a l'air d'être bien cotée, une série comique. Donc il a fait des segments aussi sur l'anthologie VHS 94, et il a aussi réalisé Le Prochain Return, donc petit truc sympathique. Oui, c'est... voilà. Après par contre, donc ça c'est plus donc, au niveau réalisation de son côté, donc qui a, comment dire... qui est un réalisateur qui aime bien les trucs un peu décalés et qui travaille beaucoup avec des petits budgets, hein, parce qu'à chaque fois, c'est quand même des... Non des trucs, mais, au moins, il fait ce qu'il a envie. C'est pas ressenti, là. C'est vrai, c'est pas ressenti. On n'aurait pas dit que c'était cheap. Oh, ah bon. Par contre, en parallèle de la réalisation, ce monsieur donc, est maquilleur et prothésiste au niveau effets spéciaux. Et là, par contre, son CV est tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc, il a travaillé sur ça, chapitre 1. Il a travaillé sur Crimson Peak avec Del Toro. Il a travaillé sur la série Star Trek Discovery. Il a travaillé sur Grand House. Il a travaillé sur la série Hannibal. Il a travaillé sur Silent Hill, sur Resident Evil, sur Détour Mortel 4. Je ne sais pas si je le mettrais au palmarès de quoi que ce soit. Non, mais bon, c'est pour être sur des titres connus, il était sur The Divide Xavier Grant. Il a bossé sur Truman Capote. Donc, le niveau effets spéciaux, maquillage, tout ça, il a un très bon, le mec a un très bon CV. Quoi. Donc, voilà. Pour tourner un petit peu autour du réal. Après, il n'y a pas beaucoup à dire. C'est un petit réal qui fait son petit bonhomme de chemin dans son truc. Donc, Psychogorman. Alors, le pitch. Et donc, on va suivre une famille composée donc, des deux parents, le père et la mère, ainsi que de deux enfants. Donc, la fille, Mimi, et le fils. Donc, Mimi qui est, comment dire... une enfant qu'on a envie de pendre, je dirais, voilà, c'est pas trop mal, je pense, hein. La crucifier ou la clouer au pilori, je pense, c'est une bon truc. Donc une enfant complètement insupportable qui maltraite son grand frère, enfin qui est la reine de la famille, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, lui et son frère, elles vont creuser dans le jardin suite à une espèce de partie de balle aux prisonniers qui est complètement perchée. On comprend rien aux règles. Donc, et elle va découvrir une espèce de... Comment on pourrait dire? C'est pas vraiment une tombe. Un ouais, c'est pas vraiment une tombe. C'est une espèce de sarcophage. Ouais, ah oui, de capsule avec un joue. Voilà, ouais, de sarcophage. Une sarcophage, ouais. Avec un joyau dessus, donc qu'elle va réussir à prendre en déchiffrant une combinaison soi-disant déchiffrable. Amstram-ram, okay, et ça marche. C'est bon, vas-y. Et donc elle va libérer un espèce de démon, donc qui est Psycho Gorman. Psycho Gorman, c'est le nom qu'elle va lui donner, parce que lui, je crois que c'est, je sais plus, l'ambassadeur des ténèbres ou je sais plus quoi. Enfin, un nom à coucher dehors comme ça. Il a plusieurs surnoms. Voilà. L'archiduc, non des... L'archiduc des ténèbres, l'archiduc des cauchemars. Ouais, du cauchemar, ouais. Ouais. Ouais. Donc, il s'avère... Il y a du cauchemar, il y a des ténèbres. Voilà, quoi, qui c'est... s'avère être un espèce de monstre sorcier magique, quoi, et dont, dont son job de tous les jours, c'est de détruire des mondes. Et donc, il s'est fait emprisonner par un conglomérat galactique, donc un peu à la Starfleet, quoi, une espèce de grosses réunions de tous les... Enfin, de beaucoup d'extraterrestres. Et donc, elle va se retrouver avec la gemme, et l'avantage qu'elle va avoir, c'est que grâce à la gemme, en fait, bah, lui, il va y obéir totalement, quoi. Et on va partir sur un trip très Power Ranger-esque, on va dire. Moi, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est un moment, quand il y a au début, quand il le libère, ou un peu après, quand il y a une bagarre, il y a limite le générique de Power Ranger qui joue à la gratte. À quelques notes près, honnêtement, c'est pas loin, quoi. Et donc, on va suivre. Hein, donc, c'est un film qui va être très Power Ranger-esque, avec un côté relativement gore. Alors, presque pas assez à mon goût, je m'attendais à plus que ça. Enfin, je l'avais déjà vu, mais je m'attendais à l'époque à ce qu'ils poussent vraiment les potards vraiment loin. Bon, ils poussent les potards loin dans le gore, après ils vont pousser beaucoup dans l'absurde avec ce dénouement final qui est complètement ridicule. ou pour se battre contre les Templars, donc ils sont vendus comme une espèce comme une espèce qui est censée être sympathique et avoir délivré la galaxie du joug des méchants, sauf qu'en fait, ben, pas du tout, les mecs, ils oppriment tout le monde. Et on va se retrouver avec Psycho Gorman, qui au final, pas si méchant que ça. Mais bon. Voilà, quoi. Donc, moi, un film que j'aime beaucoup, donc c'est clair, c'est fait avec 2 francs 6 sous. Alors, le budget exact, j'ai pas pu le trouver. Par contre, j'ai trouvé les recettes. Donc, en recettes ciné, il a fait 138 000 dollars. Et en recettes vente de Blu-ray, il a fait 288 000 dollars. Donc, ce qui est pas mal, je trouve. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce film? C'est absurde au total. Mais pour moi, dans le bon sens du terme. Moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont complètement décalées. Genre, avec la gamine, avec Mimi, qui est exceptionnelle, ou avec les parents. Genre... avec des discours où lui, il va dire « Oui, je vais vous tuer, vous me baignez dans votre sang et tout. » Et puis elle est derrière, elle dit « Non, non, tu fermes ta gueule. » Et puis c'est tout, c'est comme ça. C'est moi qui commande. D'accord. Donc, moi, j'aime beaucoup. Avec le père qui m'a beaucoup fait rire. Donc lui, le père, je crois que c'est Adam Brooke, je crois, il s'appelle cet acteur, si je dis pas de bêtises, qui travaille beaucoup avec... justement avec Steven Constantine, réalisateur, donc... Et un acteur qui est pareil, qui est à l'origine aussi de la fameuse série Divorce Dad. Et un acteur qui a une bonne tête. Alors moi, il me rappelait un peu... esthétiquement... putain, il ressemble à quel acteur je m'étais dit? Putain, je l'ai pas noté, j'aurais dû me dire, je sais plus. Après, voilà, moi, c'est un film que j'aime bien. On sent que c'est un gars qui aime le cinoche. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'hommages à... Enfin, on sent le côté un peu trauma de la chose. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Et beaucoup de petits easter eggs qui sont cool parce que... ils sont jamais forcés. Genre, c'est vraiment des petits trucs. Par exemple, à un moment, on a Psycho Gorman, il se retrouve habillé. Alors, je sais pas si ça vous a tilté ou pas, mais en fait, il est habillé en Alan Grant de Jurassic Park. Je sais pas si c'est... La chemise bleue, le chapeau, le petit foulard rouge. Et le film est bourré de petits easter eggs à la con, comme ça, sur partout disséminés. D'accord. Ouais. Le film est bourré. J'essayais d'être drôle, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le film est bourré, ça c'est clair. Après, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Moi, je pense que j'ai envie de me diriger vers Flo. Qu'est-ce que t'as pensé de PG, Psycho Gorman? PG. Alors effectivement, toujours, je sais pas, c'est pas forcément mon genre de film, mais avec cette dimension un petit peu plus comédie, un petit peu plus absurde, moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai hâte de voir les Power Rangers dans le 2, en tout cas. Parce qu'effectivement, tu disais que ça faisait beaucoup clément. Power Rangers, mais ça se sent à 100 000. Effectivement, la gamine qui joue Mimi, t'as envie de traverser l'écran, de lui dire ta gueule. Elle est trop forte. Elle m'insupporte au plus haut point, mais c'est ce qui fait aussi un petit peu sa force, j'ai envie de dire. Mais ouais, je m'attendais aussi à plus gore. Rien que le titre du film, je me suis dit, ouais, Gorman, ok. Et au final, pas tant que ça, ou alors c'est quand il se bat à la fin. Ouais, il y a quelques scènes, mais c'est vrai. Ses ennemis, tu vois quelques trucs, mais tu vois, ouais, bon, bah, c'est... on sait que c'est du maquillage, des prothèses, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a juste vraiment au début où il arrache la tête des deux gars et où il y a le policier aussi. Oui, le policier zombie, ouais. Mais ouais, en fait, je me le suis. Avec la promesse du film, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, celui-là, je me le garde pour la fin parce qu'il m'a l'air d'être bien barré, bien fun. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus de comédie, mais dans l'ensemble, franchement, non, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Effectivement, hein, ça se voit que c'est du low budget, mais ça passe, quoi. Après, honnêtement, il y a des costumes qui sont vraiment classe. Hein. Quand tu vois les extraterrestres, ouais. Il y en a deux ou trois. Je trouve que l'espèce d'homme lézard, honnêtement, le costume est propre. J'ai adoré l'espèce de robot dans sa combinaison où t'as juste le cerveau et les deux yeux. Ça, je trouve que, honnêtement, c'est trop classe. Et puis, tous les. Même ses généraux qui reviennent, donc soi-disant lui filer un coup de main et puis qu'au final, ils vont se retourner contre lui. Même les généraux, il y en a qui sont classe, il y a des idées complètement cons, l'espèce de seau machine à laver là qui jette des crânes, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Donc, mais oui, après voilà, c'est du costume très Power Rangers-esque, mais je trouve que ça fait largement le café. Bah, après, c'est voulu, de toute façon, c'est voulu. Après, le seul truc vraiment où je me suis dit, oh non, c'est pas possible, c'est à la toute fin, mais non, mais tu sais... tu vas pouvoir réussir à les vaincre grâce au pouvoir de l'amour. Oui. Oh non. Sauf que le pouvoir de l'amour, il désingue tout le monde quand même, quoi. Oui. Ouh, bah. Oui, je vous aime. Il tue pas Mimi et sa famille, mais il va dans une autre ville sur Terre. Ah bah il va massacrer. Oui, voilà, il va massacrer, mais au nom de l'amour. Il va massacrer tout le monde, mais au nom de l'amour. Et je promets de vous épargner. Voilà. Oui. D'accord. Parce que là, il a le droit. C'est ça. Un peu too much, quoi. Tom, est-ce que... Alors, ça m'impressionnerait, je ne sais pas forcément le mot que je cherchais, mais ça m'impressionnerait un peu que tu aies adoré ce film. Est-ce que tu as un avis positif sur le film? J'ai un avis mitigé. Mais vous le savez, de toute façon, et Storm, je pense que Storm prend toujours un malin plaisir à mettre ce genre de film dans nos choix, mais parce que lui, il les aime bien. Mais qu'il a peut-être toujours l'espoir qu'à un moment, je vois la lumière au fond du tunnel. Après, c'est du film qui peut bien marcher, je pense, en festival. Tu vois, je pense que tu vois en salle avec beaucoup de monde. Je pense que là, tu peux avoir une bonne bande d'excité. C'est sûr. Ouais, alors, c'est ça, avec l'engouement de la salle et tout, ça peut permettre. Donc, je rejoins évidemment le consensus général sur la gamine, hein, évidemment. Le seul regret, c'est que son frère, lui, au début, ne lui file pas un coup de pelle dans la gueule. Derrière là. Et rebouche le trou. Rebouche le trou sur elle. Trois minutes, fin du film, et terminé, on n'en parle plus. Alors, on va quand même souligner la clairvoyance de ce conglomérat interstellaire qui a décidé d'enterrer le mec à 3 mètres sous terre plutôt que de l'enterrer à 5000 mètres sous terre, tu vois, dans le jardin de bons Américains. Voilà, ok, pourquoi pas. Je m'étais pris quelques notes, et effectivement, j'étais atterré quand même au départ sur le scénario, les dialogues et une direction artistique que j'ai pensé imaginer par un enfant de 5 ans. On doit pas être loin. On est à peu près là-dessus. À l'époque, il avait 7 ans. Ouais. Et demi. Voilà. Alors, tu vois, pour moi, les références pour moi, c'était pas Power Rangers, c'était plutôt Bioman ou Xor. Tu vois, mais on est. Oui aussi, ouais. Oui, non, mais voilà. Quand tu vois la gueule des méchants, là, des généraux, machin et tout, j'étais là, putain, c'est les méchants de Xor. Ça, c'est. C'est clair. Après, j'ai dit Power Rangers parce que les gens connaissent plus que XO. Oui, oui. On est des vieux, ouais. Tu sais. Oui, nous, ça nous parle, mais... Si on arrive avec Sankuka et compagnie, on est foutus, nous. on perd tout le monde, là. C'est clair, voilà. Mais j'ai quand même noté en point positif, en disant que le film, il est débile à souhait et que c'est probablement la meilleure idée du film. Oui. Et c'est pour ça que ça a réussi à me garder un petit peu dedans tout au long du visionnage. Parce que en fait, ouais, c'est une bouffonnerie du début à la fin. Et je pense que le réal l'a conçu comme, oui, ça, comme ça dès le départ. Et donc ce parti pris effectivement est intéressant. Voilà. Et malgré le fait qu'il soit fait de briques et de broc, hein, t'as trois décors, hein, t'as le jardin, t'as l'espèce d'entrepôt usine là, et puis tu vas pas beaucoup plus loin, quoi. Après, t'as quelques plans sur les planètes quand ils font des petits flashbacks sur quand ils expliquent sa rébellion là, c'est pas trop. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est où le film est, je le trouve assez malin, c'est qu'il arrive à prendre certains contre-pieds. Parce que tu vois, justement, moi, je m'attendais, la première fois que je l'ai vu, à une fin d'où Psycho Gorman, je me suis dit, la bagarre de fin contre les Templars, ça va être une orgie de gore à gogo, ça va arracher des têtes des bras. Et en fait, non, les mecs, ils décident de jouer ça, là, l'espèce de ballot prisonnier à la con. Ouais. J'ai trouvé ça tellement con, je me suis dit, ah, ça c'est bien vu, parce que ça je l'ai pas vu venir, quoi. Ouais, et le seul truc vraiment gore, c'est quand il se check et que t'as le bras qui... Ah oui, avec le dad. C'est vrai, que... avec le dad qui arrête pas de se plaindre. Ouais. Ok, insupportable, qui est hyper misogyne, qui fout rien à la maison, qui veut juste regarder sa télé, que sa femme doit faire toutes les choses. C'est même pas être misogyne, là, c'est vraiment être... Ouais, mais je suis un ancien soldat de la guerre d'Irak. Mais lol, quoi, enfin, pour qui tu te prends? Oui, il était dans les cuisines. Ouais, c'est ça, tu vois. Il n'a pas fait grand-chose de plus. Ouais. Et toi, Jess, alors dis-nous. Moi, j'ai pas trop adhéré, mais je félicite le film pour ses effets, alors, spéciaux, ses maquillages surtout, parce que ça m'a l'air d'être beaucoup du dur. C'est quasiment... D'images générées par des... Il y en a quelques-unes, des petits effets avec la lumière, des éclairs, des trucs comme ça, mais c'est beaucoup de pratique, et ça, c'est vachement bien fait. C'est hyper créatif, c'est hyper inventif, comme tu disais, dans le design de certains de ces généraux ou d'autres espèces sur les planètes extraterrestres. Parce qu'il y a aussi tout un espèce de petit council. Comment dire, Le conseil. Alors, il me faisait un peu penser au conseil de Trump, le Board of Peace, mais pour l'espace, tu vois. Avec que des gens qui veulent anéantir tout. La comparaison est valable. Oui, la comparaison est largement valable. Totalement. Mais le film est antérieur au Board of Peace. Non, c'est nous les gentils. Je pense pas que c'était l'analogie. Antérieur, oui et non. Parce que Trump était déjà passé un coup avant. Ouais, mais il avait pas encore élaboré tout son petit conseil pour l'appel. Après, c'est un conseil intelligent, tu vois bien. Quand il dit oui, mais non, vu le code qu'on a mis sur le sarcophage, c'est un truc ultra intelligent. Aucune espèce ne pourra jamais. Mais comme voilà, tu dis, c'est Amstramgram, pique et ah, bon, ça s'open, ok, laisse tomber. J'ai pas adhéré, je pense, parce que je trouvais la personnalité, notamment de la petite fille, tellement, tellement, tellement insupportable. Je pouvais pas passer le cap et à m'attacher à qui que ce soit dans ce film. Je pense qu'elle doit être HPI, la gamine. HPI, ouais. Ah, c'est Franck Gastambide, la gamine. Ouais. Oui, t'es bien maquillé alors. Je l'ai pas reconnu. Juste pour moi qui ne suis pas au courant, Gaston Bide, il est. C'est un acteur français qui se targue d'être HPI, zèbre, tout ça. Ça me fait marrer parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui. Enfin, pas beaucoup, mais j'en connais quelques-uns qui se targuent et qui ont besoin de le clamer sur tous les toits qu'ils sont HPI. Et je me dis. C'est les autodiag. Voilà. Mais si tu l'es vraiment, est-ce que vas le gueuler partout que tu l'es? Ou est-ce que aimerais vraiment l'être, mais tu l'es pas tellement? Non, parce que est-ce que ça a un putain de quelconque d'intérêt de savoir que t'es HPI? Je ne suis pas sûr. C'est juste pour... Ça n'en a aucun, donc... C'est pour justifier sa médiocrité, je pense. Mais c'est pas censé justifier le contraire. Si t'es HPI, t'es pas censé être Ben, ça dépend parce que HPI c'est haut potentiel intellectuel. Ouais. Ça veut pas dire que tu l'as veut pas dire que tu l'as débloqué hein, non. Ou que tu l'as déverrouillé. Hein. Tu peux être con et puis l'avoir. Hein. Ça reste du potentiel. Toi visiblement ton potentiel il est en DLC. Le mot potentiel est important dedans. Hein. On est d'accord. C'est pas sûr. Hein. C'est pas parce que tu l'as que enfin voilà. Que tu l'as vraiment développé. Ouais, non, trop insupportable, autant elle que son père, moi je pouvais pas, et puis vous avez mis le doigt dessus, t'as quand même vraiment l'impression d'être sur un épisode des Power Rangers, mais qui est beaucoup trop long, ce film est trop long, ça dure trop longtemps, je crois que j'aurais adhéré plus si ça avait été un épisode de Power Rangers, un peu loufoque, avec cet humour absurde, plutôt qu'un film de, quoi, 1h40, c'était... 1h30, ouais. Ouais, c'est trop long, et tu sens bien qu'il y a beaucoup de filler, de scènes qui sont là pour meubler le temps, et tu n'avances pas forcément dans le film, puisque dès le début, tu comprends à peu près ce qui va se passer. Oh, ils ont retrouvé ce mec, il y a le conseil intersidéral qui veut le retrouver, on sait où ça va aller, et il y a énormément de filler pendant toute la période du milieu, notamment toute une phase où lui, il va, tu sais, ils sont copains-copains, donc ils vont faire du shopping avec lui, ils font le ménage avec lui, enfin, il fait des trucs autour de la maison. Et c'est trop long, trop chiant. Le moment Pretty Woman, oui, effectivement. Moment Pretty Woman, totalement, quoi, tu vois. Insupportable. J'ai trouvé ça trop long, et du coup, je suis rentrée dans le film au début, j'ai trouvé que c'était drôle, qu'il y avait pas mal de potentiel, notamment parce que j'aimais beaucoup les effets pratiques, que je trouvais vraiment bien foutus. Moi, j'adore le petit copain qui est transformé en espèce de cerveau géant. Cerveau, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que lui, il peut pas redevenir comme avant. C'est pas très sympa pour lui, tu vois. Apparemment. Mais surtout, c'est que les gens, tu sais, ses parents, ils trouvent ça cool. Enfin, ça choque personne. Ouais, non. Non. La fin du film, il est en train de bouffer. Viens manger. Ouais, parce qu'il parle plus, tu vois. Il a juste des tentacules comme ça. Et d'ailleurs, je comprenais pas pourquoi il lui mettait son plat à la table, parce qu'il sait pas s'asseoir sur une chaise, enfin il a plus de jambes. Ben puis il a pas de bouche, enfin tu vois pas de bouche. C'est vrai, il avait pas de bouche non plus. Mais il parle parfois, parce qu'il demande à Mimi, est-ce que tu crois que je vais redevenir comme avant? Et puis pas de réponse. Donc ouais, pour moi un petit peu, en fait c'est devenu insupportable sur la fin, j'en pouvais plus, je voulais vraiment que ça s'arrête. C'est un peu décevant parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de potentiel dedans et que je comprends le type d'humour, le type de film qu'il essayait de faire. Mais c'est pas assez maîtrisé, et c'est pas assez maîtrisé que pour en faire un long métrage, de mon point de vue. Et ça, c'est dommage. Après, les équipes qui sont derrière tout ce qui est effets spéciaux, pour moi, ils ont de l'avenir. Et quand tu me cites toutes les films sur lesquels il a bossé, lui, en tant que... Oui, c'est pas lui... Il était en charge des effets spéciaux ou il était plus dans l'équipe Sur les maquillages. Alors après, ils sont pas tout seuls, ils sont plusieurs, mais lui, il bossait sur les maquillages de ces films-là. Maquillage et prothèse. Et c'est mérité parce qu'il y a vraiment des chouettes trucs dedans. C'est hyper créatif, c'est hyper inventif. Ouais, non, mais j'ai pas adhéré, je suis désolé, Storm. Non, mais je peux comprendre. Et en plus, hein, après. Comme tout le monde, le titre Psycho Gorman, ça manque de gore, on est d'accord. C'est pas. Y a pas assez d'horreur gore pour me justifier la longueur de ce métrage. Donc désolé, c'est un négatif pour moi. Et c'est pour ça que je l'ai mis en premier dans la liste aujourd'hui. Eh ben on va bien se marrer avec Jess. Ouais. Ça veut dire que vaincre ou mourir, elle a mis 4 étoiles. C'est ça. 4 et demi. Elle a réinventé un système de notation. Donc... Ouais, tu vois, plus que 5. 5, 5. C'est quoi, comment ils font les... Et plus, ah, au-dessus de 5, c'est 6. Non, espèce de con. C'est pas ce que je veux dire. Ça part sur l'insulte. 5 plus. Aux États-Unis, on te donne des codes, c'est A, B, C, mais alors pour A+, A-, ouais, c'est A+, ça. A+, A-, ouais, c'est ça. Du coup. Ouais. Un 5+, plus, un bon 5+. Plus. Est-ce que tu voulais rajouter des trucs en faveur ou défaveur de ce film que tu avais choisi pour nous? Non, après, moi, je conseille aux gens, s'ils sont assez... S'ils aiment du trauma, alors c'est pas tout à fait comme du trauma quand même, mais si t'aimes ce côté un peu bric et broc, un peu foutraque et compagnie, je vous le conseille. Vous passerez... normalement un bon moment. Après, je vais pas vous le vendre comme le film du siècle non plus, on est bien d'accord. Mais si ça peut trouver son public. Donc, il le voir avec des potes, à la limite aussi, peut-être pas le voir tout seul aussi. Ah mais cette gamine, il faut être préparé quand même. Elle est odieuse. Hein. T'as juste envie qu'elle se prenne une hache dans la gueule. Ouais, mais après, ça peut se comprendre, parce qu'en face d'elle, elle a quand même le maître du cauchemar. Va te figurer un gamin avec un joyau qui peut contrôler... une entité démoniaque qui n'a pas ce caractère-là. À mon avis, le film, il fait 30 minutes. Le gars récupère le joyau, lui met un pain dans la gueule, lui explose la tête, et puis c'est fini. Non, parce que si tu as le joyau, tu le contrôles. Donc si tu lui dis ouais. « ne me frappe pas », bon, il te peut pas te frapper. Alors, ça a l'air d'être un peu bancal aussi, parce qu'il essaye de lui choper le joyau comme ça, et puis il a fait « non, c'est à moi ». Plusieurs fois, il tente de le choper en chemin. Visiblement, il y a moyen de juste tendre la main et de prendre, c'est bon. Et après, il y a un moment, j'ai pas trop compris, j'avais l'impression qu'ils essayaient d'établir une plotline où t'avais Psycho Gorman qui rentrait dans les rêves ou les cauchemars de Luke, le frère Ah, quand il vient discuter avec lui. Hein. Ouais, et moi je pensais qu'il allait lui demander lui dit que c'est le seul moyen de voler le joyau pour que lui puisse contrôler Psycho... Parce qu'il se dit que c'est une proie plus facile que sa sœur et que donc ce serait plus facile à ce moment-là pour Psycho Gorman de récupérer le joyau. Sauf que ça n'amène pas forcément à quoi que ce soit. J'ai pas trop compris. Je te dis, c'est pour meubler, en fait. C'est ce qu'il fait. Ouais, mais il vole le joyau de lui piquer... sauver ses parents, ou sauver sa famille. Enfin, il ne vole pas pour le rendre à Psycho Gorman. Bah non, parce que c'est le moment où il se prend la tête avec sa sœur, etc. Et avec son père aussi. Ouais. Donc non, je pense que... Lui, par avec sa mère. Le vol, elle est vraiment insupportable. Enfin, tu t'en rends compte. Mais ouais, franchement, je comprends pas que les parents, à aucun moment, n'interviennent et disent « Oh, tu te calmes. » Mais... tu te prends pour déjà les parents ça se voyait qu'il y a un problème quand t'as le gamin qui demande est-ce qu'il y a des monstres. Oui, quoi? Oui. Attends, quoi, il y a des monstres? Après, je trouvais ça plutôt logique en tant que parent. Est-ce que tu trouves pas que c'est un petit peu salaud de dire à tes enfants tout au long de leur enfance non, les monstres ça n'existe pas, alors que totalement si. On peut rentrer dans ce débat d'hypocrisie de mensonge aussi avec tout ce qui est Père Noël machin etc. Mais oui, après tout dépend de ce que t'appelles un monstre. Là je pense que c'était plus les monstres qu'on a vu version Power Rangers. Oui, mais dans la tête des enfants effectivement, ça veut dire les monstres existent aussi effectivement. Je trouve que moi tout le monde prend bien les extraterrestres et les monstres. Je veux dire, le Psycho Gorman il s'intègre vachement bien en fait dans toute la population. Les parents ils trouvent ça cool, enfin personne dit rien, c'est ça qui me fait délirer aussi. Personne ne questionne quoi que ce soit dans la petite ville. Tout le monde s'en fout en fait. Okay. Ouais. Si, il y a juste le moment où Psycho Gorman il y a un gamin qui lui dit un truc, il lui fait un truc, il explose, le gamin, tu fais ok. Et pas de répercussions, pas, tu sais, genre la presse qui arrive, rien du pour tout. Dire qu'est-ce qui se passe, non, que dalle. Un petit peu, très absurde en fait. Non, juste les flics à un moment donné, mais voilà, sans plus quoi. Donc, mitigé. Oui. Est-ce qu'on passerait pas au film de Flo, film français qui s'appelle Les Cadors? Je sais que t'as besoin d'argent, alors fais pas le con. Pour qui ça? Oh. Allô? Ça va? Mon père est mort. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. T'as calé? Ciao! C'est tout un nom. Ah, les enfants! Je voudrais tenir une vieille promesse que j'ai faite à mon papa chéri. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Christian! Je vais m'installer ici. Ici. Allez. Il est crevé, lui. Ouais. Toi, t'as touché le portable. C'est pas le fusil du père, ça! Non, mais vous êtes dingue! Il était comment, papy? C'est les Terminator. C'est quoi, Terminator? Tu connais pas de Terminator? Je peux pas te laisser une seconde sans que tu fasses de la merde, toi. Effectivement, Les Cadors qui est sorti le 11 janvier 2023. Qui est un film de Julien Guetta, donc pas le DJ. Le frère David. Le frère David. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Qui est un grand réalisateur puisqu'il a à son actif deux films, donc Roulez Jeunesse et Les Cadors, sur un scénario de Lionel Dutemple. Donc Lionel Dutemple qui a beaucoup écrit sur Les Guignols. Ah d'accord. Sur Canal. Voilà. Et visiblement de ce que Julien Guetta disait, c'est que le scénario il serait à peu près autobiographique à moitié à peu près pour Lionel Dutemple. Voilà, ils l'ont un peu retravaillé, ils ont mis des éléments narratifs, mais voilà, c'est un truc qui lui parle. Au casting, on a qui? On a Grégoire Ludig, on a Marie Gillin, on a Jean-Paul Rouve et Michel Blanc, entre autres. Tu sais que j'avais pas reconnu Marie Gillin qui est là. Marie Gillin, ouais, c'est en la voyant maintenant là à l'affiche du casque. que j'ai capté que c'était elle, mais non, je la reconnaissais pas du tout dans le film. C'était, ouais, c'était elle. Je la connais de quoi, elle, Marie Gillin ? Parce que le nom me parle et j'arrive pas à me souvenir dans quoi je l'ai vue. Elle a pas. Après, elle a eu ses heures de gloire début des années 2000. Ouais, mais c'était quel film qu'il avait lancé ? Elle jouait beaucoup. L'a pas. Ouais. Y'a pas ? L'a pas. Pas. Ça me parle pas, je pense pas. Du coup, je sais pas pourquoi je la connais. Peut-être que tu la connais personnellement, non ? C'est un film dans lequel elle joue avec une bande de mecs et elle sert d'appât justement pour choper des hommes plus âgés riches et quand les mecs ramènent chez elle ses potes font irruption, séquestrent et puis pratiquent des cambriolages. Ok, ça me dit rien. Donc c'est... Elle était dans Mon Père ce héros et puis dans Coco avant Chanel aussi. Ouais, bizarre. Ok. Le Bossu. Il y a eu des films qu'on n'a pas vu. Le Bossu aussi, je crois. Le Bossu, ouais. Ah, c'était pour ça regarder. Alors. Le Bossu, ça me. Ouais, ok. Sorry, Flo. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. En termes de budget, on est sur un budget à 3 500 000 euros. Box-office, dingue, avec 78 000 en entrée. Tu vois, Psycho Gorman, il l'a retourné, il l'a plié les cadeaux. Hein. Et du coup, voilà, l'histoire du film est la suivante. Ça raconte l'histoire d'Antoine D'Agostino, je vais par Grégoire Ludig, qui est en couple avec Marie Gillin, Alexandra. Qui voit son frère revenir, donc Jean-Paul Rouve, dans sa vie suite au décès de son père. Et là où Antoine est plutôt quelqu'un de un père de famille posé, qui a pas trop d'histoire, mais bon, on va se rendre compte que si quand même un petit peu, qui a une maison, des enfants, etc., va voir son frère aîné revenir, qui lui, c'est limite un punk à chien, quoi. En marginal, hein. Il a pas l'air d'avoir c'est un marginal Phoenix, voilà ouais. Et qui va commencer et puis ils vont commencer voilà à avoir des querelles de frères et au milieu de tout ça il y a aussi Michel Blanc qui joue un syndicaliste des docks de Cherbourg puisque le film a été tourné dans le Cotentin oui vous savez ce truc qu'à chaque fois ils disent à la météo et on sait pas où ça se place voilà. Ça a été tourné là-bas. Ça a été tourné là-bas. Ils avaient envisagé aussi Le Havre et Dunkerque, mais les ports ont dit non, c'est mort parce que histoire de drogue, ça va donner une mauvaise image. Vous donneriez une mauvaise image des dockers quand même et des syndicats. Ouais, et des non, syndicalistes. C'est ça. Donc il faudrait non. Oh non, non, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. À savoir qu'au scénario, j'ai dit que le scénario était de Lionel Dutemple, mais il y a Jean-Paul Rouve aussi qu'on a fait un petit peu partie avant l'arrivée de Julien Guetta. Puis visiblement, suite à un conflit d'emploi du temps, il s'est barré, Jean-Paul Rouve, donc il était même plus pressenti sur le personnage de Christian. Et après, en fait, ils ont un peu réécrit tous les trucs et il a accepté de revenir. Et ils ont réécrit un petit peu les personnages, etc. Ce que je pourrais raconter aussi, c'est que il y a la scène de l'enterrement au début du père d'Antoine et de Christian. Pendant cette scène-là, il y a des figurants. Un des figurants était le maire de la commune, là où il y a ce cimetière. Et dans la journée de tournage, il reçoit un appel pour dire qu'il y a un habitant de la ville qui est décédé. Et du coup, il a dit c'est bon, au moins on n'aura pas à se faire chier à faire le trou. Voilà. Wow. Un bon maire. Oh, un bon maire. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Oh merde. Voilà. Le champion du monde. Et un gros big up à ce maire. Merci, le mec. Mais... Le mec qui a joué à l'outil à la grippe, quoi, t'sais. En vrai, il a pas tort. Ah, mais donc, alors, ils avaient réellement... Il a pas tort, mais tu le dis pas, quoi. Non. Pas comme ça. Non, mais ouais, voilà, tu le dis pas. Mais ouais, mais si la famille, elle avait déjà acheté un lot pour l'enterrement, tu vois, comment ils peuvent garantir que, du coup, le mec va se faire enterrer là où la famille voulait... Parce que tu achètes à l'avance, non, les lotissements dans le cimetière. Ça dépend. Soit tu achètes à l'avance et du coup tu anticipes un petit peu ton décès, soit bah, tu décèdes et quand la personne elle est jeune, elle est pleine de vie, et que tu décèdes comme ça, un accident, tu peux pas forcément anticiper et dire tiens, ouais, je vais prendre mon petit cercueil, mon petit truc. Mon petit F2, il y a des trucs des fois qui sont pas anticipés. Putain, quand même, quel coup de pute. Donc voilà. Oui, un petit peu. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Moi, je voulais te demander si tu l'avais vu avant de nous l'assigner et si... Pas du tout. Non, c'était une découverte et je l'ai choisi. Je me suis même pas basé sur la bande-annonce ou tout ça. Je regardais les films, je me disais, ouais, j'ai pas grand-chose qui m'intéresse. Et là, je vois Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc. Je fais, bon, allez, pourquoi pas ? Bon, bah, voilà. Grégoire Ludig, il est connu pour quoi ? Le Palmacho. Ah, d'accord. Ouais. Il fait... Un duo d'humoristes qui a travaillé sur C8, sur D8. Ouais, ils ont fait des trucs sur TF1, ils avaient des soirées spéciales. Quelques films aussi. Ils ont fait quelques films. Il y a Les Vedettes, La Folle Histoire de Max et Léon. Les Vedettes, La Folle Histoire de Max et Léon. Ouais. Ouais. Et là, et puis Grégoire Ludig, il est en train de faire un film. Oui, j'ai vu. Tout seul. Mandibule. Et puis ils étaient dans Mandibule, ouais, qui était moi qui m'avait bien fait rigoler, moi. Quentin Dupieux. Voilà. Mais ensuite, Grégoire Ludig a fait un peu plus de rôle où l'autre que Marseille. Ouais, que David Marseille. Probablement parce qu'il est un peu meilleur acteur aussi que aussi David. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc c'est vrai que lui, on a tendance à le voir un petit peu plus aussi sur des entre guillemets en solo, quoi. Mais du coup, Flo, vu que tu le connaissais pas, tu en as pensé quoi? Alors, il faut savoir que Julien Guetta le décrit comme une comédie populaire. Alors, c'est là où il faudra qu'il me dise où il a vu la notion de comédie. Parce que ouais. Je ne l'ai pas vu. Sincèrement, j'ai trouvé ça poussif. Très, très poussif, parce qu'on ne sait pas si c'est une comédie, on ne sait pas si c'est un drame, on ne sait pas si ça part dans, à un moment donné dans un film de mafieux, etc. On ne sait pas ce que c'est un ovni, c'est ok, c'est un film, t'as un début, un milieu, une fin, mais en fait, voilà, ça aurait été un téléfilm France 3 que ça m'aurait pas plus choqué que ça, parce qu'on est, globalement dans les mêmes histoires, dans les mêmes ressorts, enfin, voilà. Je trouve aussi que les personnages, c'est bien, mais à part le personnage de Grégoire Ludig et de Jean-Paul Rouve, les autres, tu effleures à peine leur personnalité, sinon le reste, on n'a rien à foutre. C'est vrai que Michel Blanc, t'as l'impression qu'il est là en caméo, tu vois. C'est ça, on a l'impression que c'est un peu, tu vois, encore une fois, c'est un buddy movie sans être un buddy movie, machin, enfin... C'est bizarre, mais Michel Blanc mafieux, je m'y attendais pas, tu vois. Je m'attendais pas. D'ailleurs, le réal a dit qu'il trouvait qu'il avait un genre qui ressemblait un petit peu au pingouin dans Batman. Okay. Alors je vois ce qu'il veut dire, mais faut pas pousser quand même. Ouais voilà. Ouais, non, j'ai vu quand il a dit ça, j'ai eu la vision. Et après, je me suis dit non mais arrête. Arrête, tu déconnes là, non. Peut-être parce qu'il travaille près de la mer et tout. Et du coup, il y a le... Oui, peut-être. Ouais, mais après, il voulait qu'il y ait un petit peu ce côté-là, mais sans pour autant verser dans le film de gangster. Alors tu fais, je sais pas, tu t'ajoutes de la drogue, t'ajoutes le fait qu'il soit véreux, qu'il pète des doigts. Si, c'est un peu un film de gangster. Donc je sais pas, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Moi, je pensais que c'était une comédie, effectivement. Et j'ai fait comme je t'ai dit, un téléfilm France 3, ça m'aurait fait le même effet, quoi. C'est la même chose. Ok. Storm, voilà. Tu es d'accord avec Flo? Je te vois hocher la tête. Ouais. En fait, ce qui est con, c'est que, pareil, je pense que là, on sait, en tout cas, peut-être, je pense que Tom sera pareil, peut-être toi, Jess aussi, mais vu que nous, on regarde peut-être un peu plus de comédie française que toi, on sait. Tout, je pensais savoir sur le côté, on s'est dit ça va être une comédie. Pareil, moi je vois Jean-Paul Rouve, je vois Michel Blanc, je vois Ludig. Je me suis dit bon, on va avoir une comédie. Et même en le fait... titre en soi, hein, les cadeaux. Oui, à la limite, tu peux t'attendre. Ouais, le titre bien sûr. Fait comédie. Ouais, voilà. Le titre fait comédie. Alors déjà là, le problème, c'est que t'es pas vraiment sur une comédie. Donc déjà, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais tu dis il y a un problème après, de traitement, quoi. Ils sont un peu loupés. Je te recoupe parce que j'ai oublié de dire un truc, mais c'est vrai que ce qu'il disait aussi dans ses interviews, le réal, c'est qu'il voulait, avec Jean-Paul Rouve, hein, il disait qu'il voulait retrouver un petit peu ce truc des comédies des années 70-80 où tu pouvais rigoler et après, en fait, ça pouvait verser dans le drame, etc. Oui, un peu ce qu'on a vu avec Belmondo il y a pas longtemps, quoi. Ouais, mais j'ai pas forcément vu la même chose, quoi. Non. Non, c'est ça son problème, parce que foncièrement c'est pas mauvais. Je veux dire, c'est pas fou, mais c'est pas mauvais. Mais en fait, il sait pas où je rejoins Flo, c'est que il sait pas sur quel pied danser ce film. Il a un vrai problème de traitement. Je veux dire, soit il partait réellement sur une comédie un peu plus loufoque et puis il aurait pu sortir un truc un peu fun, parce que bah Jean-Paul Rouve, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il peut faire rire. Ludig, il est bon. Michel Blanc, il n'y a pas de souci aussi. Hein, Et là, le problème, c'est qu'il ne sait pas. Des fois, il veut tenter de faire rire. Le film commence avec la mort, avec le Jean-Paul Rouve qui vient, qui veut pisser sur le cercueil de son père. Tu dis, bon, ok, ça va être un truc un peu loufoque, un peu con. Tu viens avec des homards en plus. En plus, ouais. Qu'est-ce qu'il faut avec des homards? Et en fait, non, derrière, tu pars sur un espèce de... Je ne dirais pas vraiment un polar, parce qu'il n'y a pas vraiment de flic dans l'histoire, mais on va dire un truc un peu mafieux, tout ça. Mais en fait, qui n'est jamais traité sur le fond. Dans le sens où tout est sur, comme tu disais Flo, tout est survolé et même les persos sont pas crédibles, parce que Michel Blanc le fait passer pour un tyran, enfin pour un gros mafieux, le mec, tu vois, ça va pas, comme tu dis, il pète des doigts, on enferme des mecs dans les conteneurs, on va les laisser crever, enfin le vrai mafioso, quoi, le gars. Et le mec, à la fin, il se fait juste il a deux gardes du corps qui se font sonner, et le mec après il a plus rien, il a plus de défense, il se fait tirer l'oreille, il écrit, et on lui fait écrire ce qui... C'est pas... Je sais pas ce qu'il a fait, c'est pas compréhensible. Ouais, c'est pas... Voilà, ça n'a pas de sens. C'est soit t'en fais un vrai méchant et tu pars sur un vrai film de mafieux, et pourquoi pas, ça peut être vachement intéressant, hein, c'est pas le souci. Hein. Qu'à la limite, on te vend de la comédie, mais qu'au final, ça soit pas ça et que tu partes sur un truc plus sérieux, moi, ça me posait pas de problème. Et là, en fait, non, le film, c'est pas sur vraiment quel pied il veut danser. Pour ce qui est le côté comédie, ouais, il y a une ou deux vannes qui sont rigolotes, quoi, mais c'est ça, le film sait pas ce qu'il veut, et au final, bah, c'est un espèce d'objet tout bizarre, où on sait pas trop s'il faut, entre guillemets, rire ou pleurer, et c'est un peu ça, le côté, ouais, t'as raison, Flo, un peu le film France 3, qui a pas trop de moyens, et qui a pas de couilles, en fait, quoi, sur ce qu'il a envie de faire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu, j'étais déçu, puis bon, au final, ben, quand tu vois le box-office à 78 000 entrées... Tu te dis, bon, bah, comme quoi, tu peux avoir Michel Blanc, Jean-Paul Rouve, et puis Ludic sur une affiche, ben, derrière, ça fait pas forcément tout. Ça fait quoi. Pas le tout, hein. Et c'est dommage, parce que ça aurait pu être un truc pas mal. Je pense qu'ils auraient pu en faire en se disant, soit ils laissaient la comédie de côté, et puis ils partaient sur un truc plus sérieux, et ça aurait pu être pas mal. Mais au final, non, il y a pas dans les enjeux, il y en a pas vraiment, parce que de toute façon, c'est très bien comment ça va se finir. Mais bon, ça, à la limite, ça reste dans le domaine que le happy end n'est pas problématique. Mais ouais, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas. Les persos sont. Non, c'est plus la manière dont, ouais, dont c'est ça se résout. Comme c'est emmené, en fait. Comme ça. Ouais. Parce qu'au final, il fait peur, Michel Blanc, puis au final, c'est un rigolo, quoi. Tu dis merde, putain, pourtant, pendant tout le film, on te le vend quand même, ouais. Comme un mec, faut pas l'avoir contre toi, quoi. Et au final, non, tu lui tires les petits. Là, tu lui tires les petits cheveux et l'oreille, et puis c'est bon, le mec, t'en fais ce que t'en veux. Il avait pas de cheveux. Mais en version. Wish, mais total. Ouais, le mafieux version Wish, c'est... Donc, c'est déçu. Déçu, voilà. Ouais. Moi aussi. J'ai vote pour déception. Moi aussi. Ouais, Thomas, voilà, j'imagine que toi aussi. Ouais, parce que, en fait... Le jour où je l'ai regardé, je vous ai envoyé un petit message sur notre groupe en disant, mais c'est... Je me posais la question, ouais. Je dis, mais attends, mais c'est censé être une comédie. Ouais, censé être une comédie, ce truc. Et puis, comme personne n'a répondu, je me suis dit, bon, ils l'ont peut-être pas encore vu. Pas encore vu, ouais. Pas encore vu, ouais. On va attendre de voir leur retour. Et en fait, ouais, c'est un film déjà qui te raconte, que tu parles, tu disais, Stan, qu'il n'y a pas d'enjeu. Effectivement, on te raconte en fait une histoire très banale d'une famille qui est dysfonctionnelle parce qu'elle a elle a des soucis depuis leur enfance, en fait. Hein. Le père était alcoolique. Oui, une mère absente, ouais, mère absente, père alcoolique, etc. Voilà, père alcoolique, enfant battu. Donc, voilà, c'est ça qui fait que la famille est dysfonctionnelle, que les frangins ne se prennent pas de nouvelles, et puis que l'autre, il débarque A priori, en plus, il débarque presque par hasard à l'enterrement de... du daron. Non, mais tu vois, c'est ouais. Ça aussi. C'est, ils se perdent de vue alors que t'as des flashbacks où c'est littéralement les meilleurs amis du monde. Le grand frère protège le petit frère. Ouais. Tu dis, il a donné machin. Ouais. Tu dis, normalement, il doit avoir une relation ultra serrée entre eux. Et ouais. En fait, non. Bah ouais. C'est bizarre. Ouais. Et en fait, non, moi, on t'explique pas le pourquoi de l'éloignement. Enfin, voilà, c'est assez décousu, et puis voilà, on vient te saupoudrer un peu par-dessus voilà, le côté mafieux de Joe Lambrouille, et donc petite combine pour essayer d'améliorer le quotidien. Alors, ce que je m'étais noté, c'est que regardez plutôt la saison 2 de The Wire. Là, vous allez voir des vrais dockers avec des vrais problèmes et qui font du vrai trafic. Et c'est quand même... on parlait de version... Oui, parce que là, c'est pas ces deux sachets de coke ouais. Qu'il doit transporter voilà. Jusqu'à je sais pas où qu'il fait. Tu vois. Ouais. Putain, le mec il convoie une péniche pour trimballer 2 kilos de coke, quand même. Hein. En bagnole, ça passait bien. Et puis, il y a la police maritime qui passe par là. Je fais, non, mais les gars, vas-y, c'est bon. Et ils sont en panne au même moment. Oui. Parce qu'évidemment. Voilà. Alors, je sais... Quand... excuse-moi, ouais, pardon, quand tu dis que si tu veux regarder un machin, regarder la saison 2 de The Wire, tu seras d'accord que c'est pas la même ambition derrière les cadors. Je pense pas vraiment, le concept non, du film, c'est de parler du trafic. Je pense que ça, c'est plus un outil qui permet aux deux frères oui, de se réconcilier, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est la déconstruction de la famille. Il voulait faire un Game of Thrones français. En vrai ou pas? Ah, non, parce que sinon, échec. Non, après, comme tu dis, Jess, tu rentres sur les travers des comédies entre guillemets français, sur la déconstruction de la famille, comment ils vont se reconstruire, comment ils vont se remettre ensemble, oui, bien sûr. Et puis derrière, il faut mettre une espèce de toile de fond, et puis c'est tout. Mais, oui, c'est ça. Mais c'est dommage. Ouais, mais tu dis que le côté trafiquant est pas très important, mais c'est justement c'est quand même ce qui permet aux deux frangins de se réconcilier, de renouer des liens, quoi. Donc cette phase a quand même un petit peu d'importance dans l'espèce d'intrigue qu'ils essayent de nous soumettre. Voilà. Donc mais c'est vrai que comme vous le disiez avant, quoi, le film prend pas parti, t'as le scénario a le cul entre deux chaises, et puis au final à ne vraiment pas traiter un sujet ou un autre de manière un peu sérieuse, et ben en fait t'arrives à ne parler de rien du tout, quoi, et le film est très léger sur tout ce qu'il te raconte, en fait. C'est un peu le problème que t'as avec le cinéma français. Alors, je mettrai pas tout le cinéma français, déjà parce que je regarde pas tout et puis parce que je suis pas au courant de tout. Hein. Mais t'avais un peu ça dans le film de genre français aussi, mais là, c'était plus par rapport au côté des productions où on voulait pas produire. T'as l'impression qu'ils osent pas, qu'ils ont peur d'y aller, alors que honnêtement, un film sérieux, il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est un film sérieux sur un sujet comme ça, bien fait, il n'y a pas de souci, quoi. Mais on se dit toujours, ah ouais, mais bon, ça va peut-être pas banquer, alors on va peut-être plutôt essayer de le vendre un peu sous forme comédie, puis à la fin, tu sais pas ce que tu vends, et les gens, ils savent pas ce qu'ils vont voir, quoi. Et tu prends Rouve, Ludig et Michel Blanc, et tu les fais, justement, tu les mets dans des rôles complètement inattendus, à contre-emploi, sur un drame social. Ça peut être vraiment bien. Joue-le à fond. Ouais, c'est ça, joue-le à fond. Teinté de trafic de drogue, de mafieux, etc., tu peux avoir un truc qui te sort nickel, quoi. Ah, tout à fait. Et en plus, ces acteurs-là, on sait qu'ils peuvent le faire. Ils ont des bons acteurs. Tu prends Michel Blanc, quand il fallait jouer sérieux, il sait jouer sérieux. Tu prends Monsieur Hir, tu prends plein de trucs. Un mec, quand il faut jouer propre, il sait jouer propre. Jean-Paul Rouve, on aime ou on n'aime pas, je suis pas forcément le plus fan de lui, mais il sait jouer propre aussi, il n'y a pas de problème. Ludic, je suis pas trop inquiet pour lui. Hein. Je pense qu'il peut faire une prestation qui est pas mal. Hein. Donc ouais, c'est ça qui est con. C'est je pense que de pas vouloir oser, c'est bête. Mmh. Okay. Ouais. D'une manière générale, je suis assez... Et toi, Jess, t'as osé regarder? Ouais, en fait, moi, j'ai pas passé un mauvais moment, parce que je m'attendais à une comédie française un petit peu prout-prout de caca, et du coup, c'était pas ça. Ah bah oui, là, pas du tout. Ouais. Du coup, désolé Flo, après, je vous entends parler et je lui reconnais ses faiblesses. Et c'est vrai que tu ressens cette vibe de téléfilm France 3 ou France 2, un truc qui passerait à la télé. Mais j'ai bien aimé certaines intentions derrière le film. Je pense que c'est ça qui joue. J'aimais bien. Et comme vous, j'aurais préféré que le film soit plus sérieux. J'aurais préféré une approche plus drame, en fait, de l'histoire que tu essayes de raconter, parce que j'ai l'impression que ce qui est important dans cette histoire, c'est surtout cette relation familiale, ce trauma générationnel et l'envie de pouvoir s'en extirper de la part des deux frères, sauf que tous les deux retombent dans des travers puisqu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce trauma, ayant perdu leur mère, ayant été battus par un père alcoolique. Bon, bah forcément, tu t'en sors avec des séquelles. Et j'aimais bien cette ligne narrative. Là, je trouve que tous les deux, comme vous l'avez dit également, que ce sont des bons acteurs, et je trouvais que leur taf était totalement correct, en fait, dans ce film. Mais comme vous également, j'avais du mal à comprendre si on devait le lire comme une comédie ou comme un drame, parce qu'on oscille tout le temps entre les deux. Il y a des moments où j'ai ri, notamment quand Jean-Paul Rouve s'occupe des gosses et qu'il leur fait des pâtes à la moutarde, leur laisse boire du champagne, regarder les films d'horreur. Enfin, ça me faisait rire, tu vois, mais c'est vrai que derrière la dimension familiale et le dramatique en fait de cette famille, elle se prêterait mieux à un traitement plus dramatique. Et du coup, ouais, on a le cul entre deux chaises, mais ça m'a pas trop gâché l'expérience du film. Alors, je lui reconnais totalement les faiblesses au niveau de la trame des trafiquants de drogue et de ce mec qui a l'air d'être en badass, Michel Blanc, alors que à la fin, tu lui claques un petit peu la latte sur les doigts et c'est bon. Parce qu'il faut le dire que t'es une trafiquante de drogue en Angleterre aussi, toi, Jess. Donc, tu connais un petit peu le milieu. Ouais. S'il te plaît. Ouais. Pardon. Désolé. Quand même, utilise les bonnes temporalités. Donc, ouais... Ok, on utilise les bons chiffres. Ouais, voilà. Mais j'ai pas détesté et j'ai passé un meilleur moment devant les cadors que devant Psycho Gorman, parce que j'étais beaucoup moins horripilée par les personnages. Les enfants ici, j'avais pas envie de leur frapper des baffes. Je les trouvais assez justes en fait. La manière dont il a écrit les petits gamins était plutôt chouette, parce que quand t'es gamin et que t'as un oncle que t'adores, parce que tu le vois très peu, donc quand il vient, il te cajole, il t'offre des cadeaux, tu l'aimes beaucoup, puis il repart et quand il revient, toi t'es contente de le revoir. Et tu comprendrais pas trop que tes parents essayent d'écarter cette personne qu'ils estiment ne pas être forcément... Enfin, c'est ça, en tout cas, tu comprends pas les raisons pour lesquelles... Toi, en tant qu'enfant, non, et tu en veux à tes parents, tu vois, totalement... Je trouve que l'étude des caractères et l'étude des personnages n'est pas forcément mauvaise. Après, c'est pas très bien foutu. Là, je le reconnais, je suis d'accord avec vous, je vais me ranger là-dessus. Mais j'ai l'impression d'être un petit peu plus positif que vous sur ce film que j'ai pas du tout détesté, malgré toutes les critiques qu'on lui a faites, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que le film est foncièrement pas mauvais. Il est pas mauvais. J'ai pas passé un mauvais moment dessus. C'est pas mal filmé, c'est pas mal monté, tu vois. Ce qui est plus décevant, c'est que il y avait matière à faire quelque chose de vraiment bien. C'est plus ça qui va me fâcher entre guillemets. C'est parce que tu vois une bouse. Bon, de toute façon, quand tu changes ça ou ça, il y a des moments où tu peux pas faire grand chose. Par exemple, si tu... Alors que là, tu sens qu'il n'y a pas grand chose pour que le film soit vraiment bien. C'est ça le truc, c'est... Les acteurs sont bien, l'histoire est pas trop mal, parce que comme dit, t'as la reconstruction de la famille, t'as le côté pourquoi lui s'est mis à faire du trafic par peur de perdre sa femme. Enfin, il y a vraiment plein de sujets que tu peux mettre en place. C'est ça qui est con, c'est il manque pas beaucoup pour que ce film soit plus qu'il aurait dû être, quoi. Mais sinon, après, non, on l'a regardé avec la femme, on n'a pas passé un mauvais moment. C'est quoi, une heure et demie, c'est ça. C'est juste bien. Que où tu dis c'est con, c'est qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose de mieux. C'est ça qui est vraiment bête. Et c'est chiant quand tu vois un potentiel de quelque chose de mieux et qu'ils n'ont pas. Et en plus, ça me choque d'entendre qu'il y a eu plusieurs écritures. Et je me demande, est-ce que à l'époque où Jean-Paul Rouve était impliqué dans le travail d'écriture, est-ce qu'il partait pas sur un traitement plus dramatique? Et puis Jean-Paul Rouve s'est énervé avec eux parce qu'il s'est rendu compte que non. Okay. En fait, c'est pas qu'il s'est énervé, c'est vraiment, je pense qu'il avait un conflit. Ouais, mais est-ce qu'on dit pas ça pour éviter Là, j'ai plus le temps. Tu vois, on dit tout le temps ça. Des fois, on peut inventer tout ce que tu veux. Après, je suis pas, j'étais pas là. Mais du coup, ouais, je pense que le fait d'avoir retravaillé un petit peu après, il a réaccepté. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre malgré tout, parce que il était attaché au projet, conflit d'emploi du temps, en fait je le fais plus, et puis réécriture, et puis au final je reviens. bon, souvent, c'est pas forcément la marque d'un truc sur l'emploi du temps. Mais je pense que le traitement de base, pour moi, était plus dans la comédie. Ah, ok. Parce que, comme je dis, le scénario Lionel Dutemple, qui a écrit mais sur les Guignols, ouais, c'est un auteur qui a bossé sur les Guignols quand c'était l'époque d'or. Ouais, j'allais dire la bonne période, ouais. Les Guignols. Il a bossé avec Bruno Gassiot, enfin tous les mecs qui étaient vraiment à fond. Et Jean-Paul Rouve, qui venait aussi de Canal à cette époque-là, avec les Robins, etc. Je me dis, connaissant le profil des deux personnages, on était peut-être plus sur quelque chose de plus drôle, de plus comique. Et au final, peut-être que c'est ça qui a déplu peut-être un peu à Jean-Paul Rouve. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup retravaillé ensuite les personnages avec Jean-Paul Rouve, etc., une fois qu'il a été re-attaché au projet. Après, sur les coins-là, 2023, tout ça, il était, enfin, dans les 4 années-là, il était quoi ? Il était quand même pas mal sur une période assez sérieuse, Rouve. Sur ses rôles, je crois. Ouais. C'est ça, hein ? Ouais. Ah oui. Il était plus trop sur des trucs comiques, hein. Il était plus sur des rôles plus sérieux. Ah, c'est dommage. Donc, peut-être que... Mais j'ai pas du tout détesté, par contre. Est choquant parce que je m'attendais à vraiment à souffrir en fait. Le titre. Mais après, nous, c'est pas. Enfin, moi je sais que je dis pas que j'ai détesté, j'ai pas non plus. Non, c'est juste que. Désagréable. On est assez indifférent. On est assez indifférent parce que. Ça se regarde, mais sans plus de passion que ça, sans plus d'intérêt, quoi. C'est banal. Ah, je sais pas, moi j'ai. J'ai été vraiment prise dans leur histoire, les deux frangins, en fait, parce que triste histoire, tu vois, de grandir comme ça, et tu peux comprendre la personnalité du plus vieux des frères, donc Jean-Paul Rouve, qui, lui, au bout d'un moment, il a tout plaqué, il s'est barré, et tu te rends bien compte que sa vie, c'est un petit peu... Il erre de ville en ville, il trouve des petits boulots à gauche, à droite, il a jamais de domicile fixe, et l'autre, il est parti dans l'opposé, en fait. Lui, il essaye d'avoir cette vie parfaite et donc quitte à faire des magouilles sur le côté pour avoir plus de thunes. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans cette relation que moi j'aimais bien et du coup ça me tenait en haleine tout du long du film. Par contre, les trames rajoutées étaient un petit peu nulles. Je sais pas, ouais. Potentiel gâché. Dommage. Ouais. C'est con pour la cité de la mer qui, à mon avis, avait espéré une page de pub énorme. Ils auraient mieux fait d'être dans Psycho Gorman, alors. Hein. Après, c'est une très jolie région, moi, je trouvais, là où ils ont filmé. Ça a l'air très beau. Ouais, ah oui, mais oui. En fait, c'est ce qu'ils disaient, c'est que avec ce premier film-là, ils ont, enfin pas longtemps avant, ils ont ouvert une sorte de bureau du cinéma dans le Cotentin. Le Cotentin Univers. Pour promouvoir la région, c'est ça. Et du coup, c'est ce film qui a été le premier film à dire, bien joué. Maintenant, dans le Cotentin pour faire des bien films. Bien joué. Sur la carte de la France, c'est où le Cotentin ? Plus vers le nord. Dans le nord. Okay. Ouais. Cherbourg, tu vois tout c'est la cheminée, ouais. C'est la cheminée qui monte entre la Normandie et la Bretagne. T'as une si tu vois tout le long, bah c'est pas du tout là. Voilà, merci Stan pour tes indications hyper précises. Mais ouais, c'est la petite cheminée sur la carte de France. Voilà. Est-ce que tu vas en train par là de temps à autre? Ah non, il n'y a pas de train là-bas. Ils sont même pas l'eau courante dans le Cotentin, tu rigoles ou quoi toi? J'ai pas dit la Vendée, hein. C'est trop loin de ma région pour aller jusqu'à là-bas. Non, nous on va à Paris et Lyon. C'est plus proche de chez Tom que chez nous. Ah, moi, j'y suis allé souvent pour le c'est boulot. C'est Tom qui est le plus proche. Ouais, j'y suis allé souvent pour le boulot. La Manche, c'est sympa comme région. Enfin voilà. Ouais, c'est joli. Ah oui, c'est joli. Il y a pas de souci. Si au TGV, je serai au TGV à Strasbourg. Ouais, on va à Nantes. Donc je pourrais venir voir Tom à la limite. Ah. Il s'est déconnecté. Il n'est plus là. Par contre, il faudra m'expliquer. C'est le coup du convoyage de la péniche sur la Seine qui est filmé dans l'embouchure du côté du Havre. Tu vois, je ne comprends pas comment depuis Cherbourg ils arrivent là en fait. C'est des techniques. Ouais. Ta gueule, c'est magique. Voilà, et c'est ce que je pense aussi, Flo. Je pense que je vais fermer ma gueule parce que c'est magique. Ouais, voilà. Après, il n'y a personne d'autre qui va repérer ça. Moi, j'avais aucune idée de... Bah, si les gens qui connaissent les gens qui connaissent le coin et qui savent... Enfin, les Français, en fait, ouais. C'est vrai que ça fait... Qu'il y a ça va le bashing sur les Français à partir de Cherbourg, il n'y a pas de canaux pour faire travailler des péniches, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas. Non. Donc, si, mais comme disait Storm, de toute façon, pour deux pauvres petits paquets de coke, qu'est-ce que tu te fais chier à prendre des péniches? Ah ouais, non, mais c'est ouf. Une caisse. Là, tu prends ta bagnole, quoi. C'est le plan le plus claqué au sol quand tu connais le plus. Non, c'était surtout obligé de prendre ça parce que c'est Michel Blanc qui l'a dit. Ils partent de où? Ils partent de où déjà? Du Cotentin, non? Ouais, mais. Ils partent de Cherbourg. Ils vont à Rouen, c'est ça? C'est pas à Toulon? Ils vont pas. Rouen, je crois, non? C'est pas Rouen? Je sais plus. Bon, enfin. Je sais plus, mais enfin, si c'est Rouen, oui, c'est à côté. Prends la voiture. Je veux dire, on va dire, tu fais Rouen vite, en péniche, t'en as pour une journée, en bagnole, t'en as pour une heure, quoi. Est-ce que peut-être les canaux sont moins contrôlés que sur la route? Enfin, est-ce que t'as beaucoup de contrôles comme ça sur la route? La preuve que non. Mais t'en as aucun des contrôles. Tu peux te faire contrôler. Oui, et puis c'est-à-dire que quitte à le faire, fais-le avec un petit bateau de plaisance. T'as moins de chances de te faire contrôler qu'avec une énorme péniche qui est censée trimballer des conteneurs. Oui, puis qui est censée trimballer des conteneurs, donc normalement, enfin bon. Mais non, je pense que le plus facile, c'est vraiment y aller en voiture, hein, parce que moi, depuis le temps que j'ai le permis, j'ai dû être contrôlé, quoi, deux fois dans ma vie, donc ça va, quoi. Ah, ils font pas des contrôles juste de plaisance, un petit peu, pour faire vous, votre tête ne me revient pas. Bah bon, il t'est quand même pas contrôlé tous les jours, quand même, quoi. Et comme vous êtes tous les trois blancs, ça vous est jamais arrivé. Ouais, je suis roux, madame, hein, donc moi, je sais ce que c'est, la décrimination, hein. Décrimination contre les roux. Je sais ce que c'est, moi. Donc, Non, mais t'es pas contrôlé quand même. Tu dis ça parce que t'es noir, Jess. C'est ça, c'est pour ça que tu dis. C'est parce qu'il fait un peu sombre dans ma pièce maintenant. Ouais, ça doit être ça. Oh, je l'aurais pas tenté celle-là, Thomas, quand même. Eh oui. Clash. Bah si, t'es noir, t'as bu. De quoi? Ah, laisse tomber, c'est une expression chez nous. Quand t'es sourd, on dit que t'es noir. What the fuck? C'est quoi cette expression? Quand t'es noir, t'as bu. Quand t'es sous. Alors, c'est pas l'objet du podcast. quand t'es sous, on dit t'es cramé, t'es noir. Waouh, voilà. Wow, ok, waouh. Non, mais c'est pas dans le sens. Non, j'ai compris. Ça, après, quand même, voilà. C'est pas top, voilà. Top. Après, récemment, je suis allé en carnaval dans ma petite ville natale. On a et vu. Et un des costumes traditionnels. Alors, c'est en on vieux t'a carnaval. Vu déguisé. On t'a vu déguisé en quoi française. Pourquoi t'es-tu déguisé en française, ouais. Avec une baguette et un béret et une marinière. Si, omelette du fromage. Ouais. Mais... J'aime le vin. Ouais, c'est tiré dans le jeu vidéo. Rien à voir. C'est pas... enfin, j'aime c'est le plat du concombre. Bah, un petit peu quand même, clair-obscur si c'est pas français, madame. Oui, d'accord. Hein. Mais rien à voir avec mon costume. Un des costumes traditionnels de la région, c'est un truc qui s'appelle le savage, donc le sauvage. Et c'est des gens qui se mettent en blackface total avec du cirage. Ah oui, et, ils font des gugus comme ça, j'avais vu. Ouais. Et qui ça, c'est donc ce qu'on appelle un costume typique. Alors voilà. Ça, et j'avais justement une pote avec moi qui est noire et qui trouvait que c'était un petit peu déplacé. Et je ne peux elle a d'accord. Fait l'inverse. Ah non, bon d'accord. Non, ouais. Le white face. Ouais, c'est choquant. Alors le problème, c'est que c'est classé patrimoine culturel vu que le carnaval a plus de 500 et des années. Et il y a des gens qui trouvent que c'est pas logique de s'offenser. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Je trouve que, ouais, c'est offensant. Après, ça fait partie de ton patrimoine culturel, je peux comprendre. C'est bizarre, c'est tendu. Pendant un temps, on avait les accents racistes de Michel Leb, hein, c'était le patrimoine culturel aussi. Non, ça, c'est pas pareil. Et chez vous, dans les costumes traditionnels là, de carnaval, vous avez aussi le mec qui se déguise en bite géante? Non, c'est pas chez nous, ça. Vous ah, avez bah ça nous, on a ça. Il est tout nous, fier. Nous, on a ça, et c'est beaucoup ah, bah nous, on l'a. Non, je suis pas tout fier. Nous, on l'a, la bite géante. Mais c'est la France. Vous aimez ça? C'est français. C'est la France. Pas n'importe laquelle. Voilà. Sur ces sages paroles, est-ce qu'on passerait pas au film suivant? Women Talking. Non, flemme. Venez vous faire compter pour le recensement de 2010. Là d'où je viens, d'où ta mère vient, on ne parlait pas de notre corps. On nous a donné 2 jours pour pardonner aux agresseurs avant leur retour. On savait à peine lire et écrire, mais ce jour-là, on a appris à voter. Ne rien faire, rester et se battre, partir. Si nous ne pardonnons pas à ces hommes, nous renonçons à notre place au ciel. Il doit bien y avoir quelque chose qui vaut la peine d'être vécu dans cette vie et pas que dans la suivante. On sait aujourd'hui qu'on n'a pas imaginé ces agressions. On sait qu'on est meurtri et infecté et mis enceinte et que plus d'une en est morte. On ne peut pas pardonner parce qu'on y est forcé. De quel droit ? Toi et toutes les autres. Vous faites comme si j'avais le choix. Donc Woman Talking, qui est sorti en janvier 2023 en Belgique, en Suède, aux USA, en Norvège, aux UAE, comme on dit, United Arab Emirates, aux... Hein ? Les Émirats Arabes Unis. À Singapour, au Canada et en Espagne. Non, pas en France en 2023, je sais pas trop d'ailleurs. Et c'est le concours de ses sorties dans le plus de pays possible, non, c'est ça ? Non, mais comme c'est sorti en janvier 2023 dans tous les pays, dans tous ces pays-là. Ah, tu les cites tous ? Comme ça, les gens, ils savent. Ça peut être important pour plus tard. Le souci. Si un jour tu vas dans un... tu sais, les pop quiz, quand tu fais des pop quiz, ça vous parle. Quand est-ce qu'il est sorti au Kazakhstan ? Ah bah, tu auras la réponse. Janvier 2023, bah, c'est étonnamment correct. Ouais, ouais, voilà, et je le sais parce que j'ai écouté une date de sortie et Jessica a énuméré tous les pays. Merci Jess. Alors que Flo, il était sorti dans quel pays ton film en janvier 2023 en juste France. En France. Ah. Pas en Suisse, pas en Belgique. Pas... En tout cas, ton film est sorti en France. Non, il a cartonné, il a fait 31 000 entrées. Hein. On est sur une. Mais j'allais y venir, putain. Psycho Gorman, il l'a on pris, il l'a retourné aussi. Hein. Aujourd'hui, sur les 4 films, en termes de box-office, on est au-dessus des étoiles. C'est pas forcément un gage de qualité, cela dit. Tu sais quoi ? Les 4 films cumulés ne dépassent pas 2 millions d'entrées. Probablement non. J'allais dire, ah oui. Du coup, le film est un film dramatique américain de 2022, écrit et réalisé par Sarah Polley. Ce qui est également basé sur le roman éponyme, donc Woman Talking, un roman écrit par Miriam Toews, qui était paru en 2018 et qui est lui-même inspiré des viols commis à l'aide de gaz lacrymogène dans une colonie du Manitoba, au niveau d'une une communauté mennonite isolée, donc en Bolivie. Le film suit un groupe de femmes mennonites. Donc les mennonites sont un petit peu une espèce de... une secte religieuse un petit peu à l'instar des Amish. Ils ont la même origine que les Amish, effectivement. Premier point, bonne ambiance. Ouais, avec Kenny Reeves là-dedans, non ? J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Dans quoi ? Dans quoi il y avait Kenny Reeves ? Ah ben non, Mnémonique. Oh bah waouh ! Single Life. Elle est de loin, celle-là. Est-ce que tu attendais qu'on parle du film pour la placer ? Est-ce que tu l'avais répété à l'avance dans le miroir ? Oui, ça fait une semaine que je l'ai... Ouais, tous les matins, je l'ai fait. Il se disait, donc, faut pas que je l'oublie. C'est devenu une berceuse pour sa fille. Charlotte Conan. Johnny Mennonite. Johnny Mennonite. Que je n'ai pas vu. J'ai eu la chance de ne pas avoir participé à cet épisode. Voilà, et ben, tu vois, le karma s'est vengé aujourd'hui avec... Vaincre ou mourir. Notre troll absolu. Avant de passer à vaincre ou mourir, je vais continuer sur ma lancée. Woman Talking, ça part de quoi ? Ben, on suit un groupe de femmes, donc mennonites, qui sont dans une colonie, alors ici on est aux États-Unis, qui discutent de leur avenir après avoir découvert le fait que les hommes de la colonie ont drogué les femmes et les enfants, les filles, pour les violer. Pendant de nombreuses années, on comprend ça assez vite. Au niveau du cast, on a un cast assez stellaire, puisqu'on retrouve Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, Frances McDormand, mais alors dans un très petit rôle, plus de l'ordre du caméo d'ailleurs, Sheila McCarthy. Pour moi, c'est un cast exceptionnel parce que Jesse Buckley, je l'adore. Claire Foy, je la trouve aussi super, super talentueuse. Et Rooney Mara est très, très bien dans le film. Mais même les rôles, pas forcément plus secondaires, mais les actrices que je connaissais un peu moins étaient aussi exceptionnelles. C'est le premier film, le dernier film, pardon, distribué par United Artists Releasing avant le rachat par Amazon, il me semble. D'ailleurs, ce film est sur Amazon. Le film a reçu des critiques assez positives, saluant non seulement le scénario, mais aussi la réalisation et la performance des actrices, enfin des acteurs, parce qu'il y a aussi Ben Whishaw, qui est le seul personnage masculin du film. Ouais. Il est aussi un acteur très, très, très talentueux, très connu en Angleterre, parce que anglais, mais pas que. Je pense qu'il s'exporte assez bien. Je pense qu'en France, vous le connaissez aussi. Je sais pas forcément. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il a joué dans des James Bond. Oui, quoi. Voilà. C'est quand même Q dans les nouveaux James Bond. Ouais, ça va. C'est pas... dans, dans Cloud Atlas. Il a joué dans... C'est pas lui qui fait aussi le fauve dans X-Men, non ? Non. Non, je confonds, c'est Nico. Non, pardon, désolé. C'est moi. C'est l'autre, moi, Nicolas... Oui, Nicolas Hoult. Hoult. Ouais. Hoult. Nicolas Hulk. Nicolas Hulk. Malheureusement, il n'a rapporté que 9 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars, donc ça n'a pas été un succès au niveau du public, mais il a été classé parmi les 10 meilleurs films de 2022 par le National Board of Review et l'American Film Institute. Il a remporté le prix du meilleur scénario adapté aux Critics' Choice Awards, au Writers Guild of America... et aux Oscars, où il était également nommé pour l'Oscar du meilleur film. Je suis surprise que la musique n'était pas nommée. Au niveau de la prod, j'ai pas mille trucs à dire, mais le tournage a eu lieu pendant la période du Covid, donc entre juillet et septembre 2021 à Toronto, au Canada donc. Et la costumière, qui s'appelle Kita Alfred, s'était procuré des tissus et des couvertures de prière dans des véritables boutiques communautaires mennonites. Et elle avait utilisé des couleurs et des motifs différents pour chaque famille. Donc dans le film, on a plusieurs familles. C'est un petit peu inbred, c'est un petit peu... comment on dit inbred en français Dans le pain. Non, non, non. Connard. quand elle... Bah, Madonna que... Non, mais vu que les hommes violent les femmes, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés qui parfois sont des enfants qui sont... Ah, des gens du Nord. Des gueux. Non, oh là là, c'est quoi le mot approprié? Des consanguins. Mais des consanguins. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit avant. Voilà. Donc, c'est ça, consanguins. Oui. Donc, il n'y a pas forcément 1000 familles, et donc elle voulait représenter chaque famille avec des couleurs particulières ou des motifs particuliers. La costumière a aussi noté que c'était pas facile de convaincre les actrices de renouveler international de porter des robes en polyester à manches longues par une chaleur de 43 degrés. Mais elle a souligné que les robes n'étaient pas aussi inconfortables qu'on pourrait le croire. Alors moi, ça m'a fait un petit peu sourire. Au niveau de la musique, c'est... Ah, je sais pas prononcer son nom. C'est Hildur Guðnadóttir, je pense qu'elle est islandaise. Bon, Dianne Zimmer, c'est plus simple. Qui a composé la musique du film. Non, mais si je me souviens bien, cette dame qui est compositrice, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Je pense qu'on peut dire, ça, oui. Dame qui fait de la musique. Elle a réalisé des bandes son pour pas mal de films qui vous parleraient, mais je ne retrouve plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, je vois Tchernobyl, je vois Joker. Ouais. Joker Folia 2. Elle est 28 ans, 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Après, qu'est-ce que je vois ? The Handmaid's Tale. Ouais, après, sur plusieurs épisodes. Ouais, voilà. Ouais, bah, c'est comment ? Alors, je vais dire sur ce film-là. Sicario aussi. Et Tchernobyl, ouais, je vois le style. C'est assez, c'est assez raccord ce qu'elle ouais. J'aime bien propose, ce que bien. En plus, c'est musique bien, généralement. C'est bien ce fait, ouais. Ouais. Et ben, de toute façon, je vais peut-être avant de donner mon avis, parce que moi j'ai un avis extrêmement positif sur ce film. C'était pas la première fois que je le voyais, mais je le trouve super important. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément l'audience désignée pour ce film. Parce qu'on est des hommes parce blancs. Parce que vous êtes des mecs cis white. Ouais, ouais. Roux, cis white roux. Et que, s'il te plaît. Que Storm dans le chat nous a dit après avoir vu le film, ah ben ouais, le titre est pas mensonger, c'est que des meufs qui y parlent. Je t'ai exactement dit, au moins ton titre il est pas mensonger, c'est vrai. C'est clair. Ah oui. On est d'accord. Parce que ce que j'ai peut-être pas bien expliqué, le parti pris du film, c'est qu'en gros, on suit les femmes pendant une période de plus ou moins 24 heures où t'as des femmes qui, suite au départ des hommes qui sont tous partis en ville pour pouvoir poster, comment on dit pose bail en français, déposer une caution. Ah, déposer la caution, ouais. Pour que certains des violeurs qui avaient été arrêtés puissent sortir de prison. Donc tous les hommes quittent la communauté et toutes les femmes se retrouvent toutes seules et elles décident d'utiliser cette période de temps pour se concerter et pour voter, pour savoir si elles veulent rester et pardonner, si elles veulent rester et se battre, ou si elles veulent quitter la communauté et chercher un meilleur avenir pour elles-mêmes. Et donc, tu as toute cette conversation qui s'installe entre les femmes. Et Ben Whishaw, le personnage masculin du film, lui, c'est un gars dont la famille avait été excommuniée de la communauté. Lui, il a fait des études et puis il est revenu plus tard. Donc, il est un peu le prof dans cette communauté. Il se charge de l'enseignement. Ouais, ouais, l'instituteur. Des petits garçons, parce que les femmes n'ont ni le droit d'apprendre à lire, ni écrire, ni quoi que ce soit. Les femmes sont vraiment... Quelle belle société. Mises en dessous. Ouais, c'est une très belle société, très patriarcale, où les femmes n'ont aucun droit. Et donc, ouais. Donc, c'est un parti pris. T'as l'impression de voir une pièce de théâtre se dérouler. On n'a pas vraiment beaucoup de settings. On reste beaucoup dans une grange, et puis on voit un petit peu ce qui se passe autour de la grange, dans les champs, etc. Mais on est vraiment sur... des femmes qui parlent de leur situation et de comment s'en sortir, de quelles décisions prendre. Je me doute que c'est pas du goût de tout le monde. Par contre, je trouve que c'est fait avec brio et que ça aborde des thèmes extrêmement importants, et notamment l'émancipation de ces femmes. Je crois que je vais me diriger vers Thomas en premier pour avoir ton avis, parce que je ne sais pas si tu avais vu ce film, et ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Je n'avais pas vu ce film et je n'en avais jamais entendu parler. Okay. Donc voilà, quand j'ai lu le synopsis et tout, effectivement ça me parlait pas. Le casting me semblait intéressant, voilà aussi. Sur le visionnage, enfin le film dure 1h45, voilà ça passe relativement bien, même si je trouve quand même qu'on a quand même quelques longueurs. Dans le film. Bah, ensuite, voilà, ce sont des échanges entre les femmes de la communauté. Donc oui, effectivement, elles sont dans une grange assises sur des bottes de paille et elles discourent de leur avenir, de la façon dont elles voient leur communauté, de la façon dont elles vivent leur religion. Donc voilà, c'est des fois un peu long, un peu lent, et puis j'ai quand même trouvé que à certains moments le film, en fait, se regarde un petit peu le nombril et se perd en fait dans ce qui pourrait ressembler à une énorme session de psychothérapie, en fait. C'est le sentiment que leur réunion me donne. Et je trouvais ça dommage, en fait, parce que le sujet qui est traité sur l'émancipation des femmes, le fait qu'elles soient dans une société patriarcale et qu'elles n'aient pas voix au chapitre, et un sujet qui est également traité en parallèle, qui est donc la religion et notamment le fondamentalisme religieux de cette communauté. Moi, je trouve qu'il y avait un énorme potentiel, en fait, et que ça aurait mérité d'être un peu mieux traité, de mon point de vue, en tout cas. Ou alors, si ça l'a été, j'ai peut-être pas compris le propos du film. Mais je peux te demander quel sens tu veux dire ça ? Comment tu veux dire, est-ce que ça devrait être mieux traité ? Ben, en fait, moi, le film m'a perdu. Dans toutes ces discussions, j'ai trouvé que, tu vois, ça traitait du même sujet, mais que ça partait quand même des fois un petit peu dans tous les sens, et donc que moi j'arrivais pas à suivre, en fait, le fil conducteur de leur pensée à toutes. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a très étonné, c'est que en fait, elles se réunissent parce qu'elles font un vote de savoir si elles vont rester et subir, rester et se battre ou partir. et c'est rester et se battre ou partir qui arrive en tête du vote et qui arrive à égalité. Donc le conseil, enfin toutes ces femmes décident de mettre un conseil en place. Comment on sait, elles savent pas compter. Bah oui, de mettre en place un conseil qui va décider en fait de trancher entre l'une ou l'autre des propositions. Et à un moment, j'ai le sentiment que rester et se battre, c'est un peu la position qu'elles ont choisie. Pas toutes. Non, pas toutes, mais que ce conseil qui a été choisi, qui doit décider là dans les 24-48 heures, j'ai un moment, j'ai l'impression que ça se décide plus à aller vers ça, et que au final, le retour d'un des hommes dans le village qui va frapper sa femme et sa fille vont faire switcher tout le monde en disant « Ouais, non, en fait, on va partir. » C'est... Voilà. Okay. Donc, j'ai eu du mal, en fait, à comprendre la construction qu'elles ont voulu faire de leur... C'est pas plutôt lié à leur foi, à la fin, que... Parce que pour moi, la décision de partir, c'est pour éviter d'elles manquer à leur devoir au niveau de leur foi par rapport à Dieu, parce qu'elles se rendent compte que si elles restent, elles vont se transformer en criminelles, qu'elles vont finir par tuer les hommes, quoi. Et il y a une des femmes qui leur dit, ça c'est par accord avec notre foi, avec les principes qui nous ont été inculqués, et je pense que c'est là que la décision s'en prend, et pas, parce que le mec il revient dans le village, et donc lui il va frapper sa femme et sa fille ce soir-là. Ça, c'est vraiment sur la fin du film. Et le lendemain, elles avaient déjà prévu de partir, en fait, avant qu'elles se fassent taper. Moi, ce que j'avais compris, c'était vraiment que le fait qu'il lui revienne et qu'il mette le tarif à sa femme et à sa fille fait switcher celle qui se posait la question de rester et de se battre. En se disant, on va continuer à subir et ça. Elles ont pas déjà pris la décision je l'avais pas compris comme ça, tu vois. C'est pour ça que je te dis que le film m'a perdu dans toute cette grande session de psychothérapie. C'est-à-dire que j'ai pas vu un cheminement clair de leur pensée qui les a amenés à prendre cette décision, en fait. J'ai trouvé ça un petit peu... Parce que, voilà, trop de blabla à un moment m'a perdu et a fait que j'ai pas suivi le fil de leur pensée et de leur conversation. Voilà. Donc un petit peu déçu sur la globalité du film, même si, et là, il faut revenir dessus, la photo est incroyable. Ouais. La photographie, elle est... Les performances d'acteurs, excuse-moi, mais... Oui, mais, wow. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la photo, parce que au début du film, notamment, il y a des filtres de bleu-gris quand elles sont à l'intérieur de la grange, où t'es presque en noir et blanc. Je me dis, putain, mais le film est passé en noir et blanc. Et en fait, non, tu t'aperçois que à l'extérieur... à l'extérieur de la grange, tu as de la couleur, tu as un petit peu, tu as du jaune, tu as du soleil, etc. Mais à l'intérieur, ils ont vraiment appliqué des filtres très très précis qui à un moment vont s'atténuer, c'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu plus de couleur au fur et à mesure où le film avance, même quand elles sont elles dans la grange en train de discuter et de débattre. Et je l'ai attribué, tu vois, à l'espoir qu'elles ont d'avoir une vie meilleure. Et au début, quand elles discutent, elles sont dans leur monde, elles s'éternent. Et plus on avance, plus la couleur retrouve du sens. Tu passes de la nuit vers la lumière, en fait. C'est l'avancée du côté des ténèbres vers la lumière qui te permettra de sortir de ça. Totalement. Et c'est extrêmement bien fait parce que c'est très progressif. Et j'ai trouvé... Enfin, voilà. En l'occurrence... alors, je ne sais pas qui était en compète aux Oscars à cette époque-là, mais... j'espère que le film a été nommé pour la photo et c'est dommage qu'il ne l'ait pas eu. parce que vraiment une moi ça m'a j'accorde de plus en plus, ouais, j'essaye de faire de plus en plus attention à ça quand je regarde des films. Et voilà, là en l'occurrence, waouh, la photo elle sur 2023, t'étais sur Everything Everywhere All at Once. Donc ah ouais, c'est lui qui a tout mangé, ouais. C'est lui qui a tout mangé, ouais. Ah ouais, évidemment, c'était mal foutu. Ouais, c'est ça. Sur meilleure actrice, c'est Yeo, ouais, c'est ça. Par contre, ça a du sens que y ait ces filtres très ternes au début, vu que leur existence, ne serait-ce que par la foi qu'elles ont choisi de suivre, est très terne. C'est dénué de toute empreinte de fantaisie, en fait. Ouais. Oui. C'est... Donc ça a beaucoup de sens, et ouais, comme tu le dis, ça change au fur et à mesure du film. Et sur la fin, les robes ont l'air beaucoup plus mauves et bleues, et tu revois les couleurs qui sortent, et elles, leur personnalité qui s'affirme aussi, en dehors du joug des hommes qui est constant dans cette communauté. Storm, je suis intéressée, vu que tu l'as clashé dans le chat... Est-ce que l'as regardé avec Madame Storm? Oui, j'ai regardé avec Madame, ouais. Est-ce qu'elle a un avis différent de toi sur le film? Oui. Ah, tu vois, je me dis, c'est vraiment un film peut-être qui parle plus à des audiences féminines que... Non, elle, honnêtement, oui, elle a accroché. Hein. Moi, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie, mais... Donc, non, on va nuancer quand même, je rigole. Ok. Si je parle pour Madame, hein, en son nom... Oui, non, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un film qui va parler aux femmes. Sa nuance, c'est sa femme, quand même. Oui, comment ça, sa nuance, c'est ma femme? Non, mais je comprends que ce film... Je vais nuancer ma femme. Va se faire frapper par Madame Storm, quoi. S'il dit des trucs pas bien sur le film. Non, mais je conçois effectivement que le film parle aux femmes. Et il a été fait par des femmes, pour des femmes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça se ressent. Et après, c'est pas le problème. Et je comprends qu'effectivement, une femme soit beaucoup plus impactée et beaucoup plus touchée par le film. Ce qui est logique. Donc, des sujets, déjà, rien que par le fait des sujets qu'elle traite, nous, en tant qu'hommes, on ne les connaît pas ou différemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On subit pas les mêmes choses. Donc, c'est sûr qu'on sera certainement peut-être des fois moins... comment dire, attentif, même voilà, ouais. Voilà, sensibilité. Après, non, honnêtement, je vais être un peu comme Tom dans le sens où j'avais jamais entendu parler du film. Honnêtement, j'en avais jamais. Moi, Sarah Paulet, moi je la connais de L'Armée des Morts où elle jouait Anna. Ouais, ça elle est aussi actrice, ouais. Voilà. Donc le reste, après là, j'ai zuté un petit peu vite fait sa filmo. J'ai pas été regardé encore, mais j'irai peut-être piocher un ou deux trucs. Mais ouais, je vais être comme Tom, c'est-à-dire que effectivement, le sujet du film, ben voilà, il traite son sujet comme il doit le traiter. Moi, où j'étais un petit peu décontenancé au départ, c'est que je m'attendais pas à ce qu'on parte. C'est pas le problème du huis clos. J'ai aucun souci avec les huis clos dans un qui va être confiné, on va dire beaucoup dans le même espace. J'ai pas de problème avec ça, mais je m'attendais pas à ça en fait au départ. Parce que quand le film commence, je me suis dit bon, ok, il y a le vote, tout ce qui se passe, machin. Je me suis dit, il va avoir la phase dans la grange, et après, ben, est-ce qu'on va partir sur elle s'enfuit, elle lutte, enfin voilà. Mais je m'attendais pas à ce que tout le film soit le débat et que en fait juste la fin soit la décision et qu'on voit la décision à l'écran. Donc sur le coup, ça m'a un peu décontenancé. Je m'attendais pas à ça. Donc effectivement, ça fait beaucoup de dialogues. Pas inintéressant, après, c'est pas le souci. Après, ça peut être peut-être un petit peu redondant parce qu'on retombe beaucoup sur le sujet par différentes, mais après, t'auras différentes approches parce que comme c'est jamais le même personnage qui va forcément aborder le sujet, déjà, tu vas voir le sujet par rapport à d'autres personnes qui vont pas forcément le vivre pareil, tu vas avoir les avis différents. Donc non, c'était... une bonne surprise. Je t'avoue que je le remettrai pas tous les jours. Hein, je suis honnête. Hein, ça sera pas mon film doudou et mon film de chevet. Mais non, je suis content. Et puis d'avoir regardé avec Madame, c'est cool parce qu'effectivement après on en a discuté un peu parce qu'elle me dit je trouvais ça chiant. Donc elle a rigolé. Elle dit ouais, mais de toute façon tu sais. Elle vient me dire non. Elle comprenait ce que je voulais dire. Mais après on a pu justement échanger un peu sur le film. Et c'est vrai que d'échanger avec une femme sur un sujet comme ça est beaucoup plus intéressant que d'échanger avec des mecs, parce que nous on verra pas les mêmes problématiques et on va peut-être nous des trucs qui vont pas nous choquer ou qu'on va bien sûr entre guillemets jugé normal, hein, je mets des gros guillemets, attention. Ou pour nous, on va dire, ouais, ça va, c'est une vanne ou c'est un truc comme ça. Vous, c'est vrai qu'en tant que femme, vous n'allez pas forcément le voir pareil, c'est intéressant. Donc le film a le mérite au moins de d'ouvrir des portes et puis de peut-être d'exposer des problèmes que nous, on ne voit pas ou qu'on ne ressent pas pour nous, forcément être des problèmes. Bon, dans ce cas-là, c'est des vrais problèmes. On parle de viol, on parle de coups, de viol sur limitant, enfin non, même pas limite, bah, viol pas sur enfant, ouais, c'est viol sur enfant, sur coups, enfin voilà. Donc là, il y a même pas d'ambiguïté sur le sujet. On parle pas d'un salumisque qui peut être un peu déplacé ou un truc comme ça. Là, on est vraiment sur des vrais problèmes des vrais problèmes, quoi. Donc non, une bonne surprise. Effectivement, je pourrais lui reprocher peut-être comme Tom des pour moi, hein, un ressenti sur quelques longueurs au niveau du... Mais moi, je pense que je l'attribuerais... Maintenant que je le connais, il faudrait que je le revoie, à la limite. Parce que je pense que ça, je l'attribue ma première impression sur ces longueurs, sur le fait que je ne m'attendais pas à ça. Ouais. En vrai, je ne m'attendais pas à... partir et les suivre, voilà, je m'attendais à un premier tiers où il allait se passer ça, puis après, les deux autres tiers avec soit la fuite, soit le machin, puis avec... Mais je ne m'attendais pas à ça. Donc, ce qui m'a peut-être désarçonné un peu, peut-être que maintenant... En le revoyant, en connaissant ce qui se passe, enfin, comme est fait le film, peut-être que là, j'aurais peut-être moins cette impression, parce qu'en vrai, il dure quand même 1h35, un truc comme ça. Ah non, ouais, j'aurais dit 1h45 de tête. Enfin bon. Mais ça passait bien. Je veux dire, c'est pas non plus. T'es pas là, oh putain, il va jamais se finir. Donc, il est pas trop mal amené au niveau. Enfin, son temps pour moi passait bien. Mais c'est plus le. Je pense que c'est cet effet de surprise. Je m'attendais pas à ce qu'on ait tout le film comme ça. Après, ben, comme tu dis, les actrices, il n'y a rien à dire. C'est hyper propre, c'est hyper bien joué, tout est hyper crédible. Tu sens, enfin, les tensions sont à fleur de peau quand t'es. Enfin, honnêtement, le jeu d'actrice, parce que je ne vais même pas dire jeu d'acteur, parce que pour moi. Que Ben Whishaw, même, il est excellent, tu vois, mais il est bien. Lui, donc, ouais. Il est bien. Après, la photo, ben, comme Tom disait, c'est vrai que honnêtement, c'est beau. C'est propre, c'est bien filmé, la colorimétrie est top, enfin tout, enfin honnêtement, c'est agréable de voir un beau film déjà. Elle est même pas nommée, hein. Elle est même ouais, pas c'est ce que j'ai regardé avant, j'étais en train de regarder, je l'ai pas vu non plus. Ouais. C'est ouf. C'est ce que j'ai regardé aussi. C'est ouf, elle est même pas nommée aux Oscars, c'est incroyable. Donc déjà de regarder, sans même parler du sujet, un beau film, je veux dire, parce que le film est beau. C'est déjà agréable, honnêtement. Tu vois, par exemple, si je reviens sur mon choix de Psycho Gorman, voilà. Non, mais tu vois, techniquement, là, tu dis, OK, là, on voit quelqu'un. En plus, le budget est quand même pas si énorme que ça, je trouve. C'est pas ouf, c'était 20 millions, je pense. Pas, voilà. C'est pas rien. Non, c'est pas rien, mais quand tu vois des films à 300 ouais. patates qui sont pas foutus de te foutre une photo propre ou un... Enfin, voilà. Je trouve que... Ça va, c'est une grange, hein, pas non plus avec des bottes de foin, hein, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Et puis elle parle pas de cuisine, c'est déjà ça. Ouais, donc, c'est vrai. Donc, honnêtement, déjà, voir un beau film, c'est cool. C'est agréable. En plus, moi, je suis assez friand d'une belle image. Donc, bien équipé à la maison, j'ai la chance d'être bien équipé. Donc, pouvoir profiter d'une belle image, je trouve ça cool. Et honnêtement, le sujet est intéressant. Très propre, bien traité. Peut-être, je te dis, pour moi, peut-être un peu trop long dans son fait, mais je pense que c'est parce que je m'attendais pas à ça. Je pense que si dès le départ j'avais su que c'était un huis clos qui parlait que de ça, ça m'aurait pas dérangé. Parce que sur d'autres films où peut-être où je le sais, j'ai pas comme tu sais que tu vas rester dans le truc, t'as pas à dire ah bah tiens qu'est-ce qui va se passer après, est-ce qu'ils vont partir, enfin donc voilà. C'était dans l'attente en fait de plus, ouais. Ben en fait voilà, mais parce que je m'attendais pas à ça. Mais c'est pas ce qui m'a empêché de sortir du film, rien du tout. Maintenant. Une bonne surprise, je te dis, comme Tom, j'en avais jamais entendu parler, honnêtement, j'avais même pas vu une bande-annonce, alors après, c'est pas forcément ce que je vais rechercher en général, mais sans que ça se... Ouais, à la limite, mais même des trucs qui sont pas forcément, entre guillemets, macam, des fois, t'en entends parler, et là, c'est vrai que ce qui est même étonnant, c'est qu'un sujet, enfin, un film avec un tel sujet n'ait pas eu plus de bruit, justement, tu vois, j'aurais pensé qu'il aurait... Comme surtout maintenant, on essaye quand même de mettre beaucoup en avant tout ça. Je suis quand même vachement étonné qu'il n'y ait pas eu de bruit plus que ça pour ce film. Quoi. C'est assez étonnant. Autant, t'as d'autres films qui ont un bruit pas possible et tu sais pas pourquoi. Et là, sur un truc comme ça, porté, qu'un casting féminin fait par une femme, qui évoque du sujet et tout, c'est vrai que c'est étonnant que j'ai pas vu de médias relayer ce truc plus que ça. Quoi. Donc c'est très étonnant. Mais une bonne surprise, je suis content de l'avoir vu. Yay. Avant de passer le micro à Flo, je voulais te reprendre sur un truc. Quand tu disais que c'est un film plus destiné aux femmes, je suis pas foncièrement d'accord parce que j'ai l'impression qu'intrinsèquement, le but du film, c'est que ça soit vu aussi par des hommes. principalement par des ouais, gens, tu vois, d'ailleurs. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est moi qui m'explique mal quand je dis... Quand je voulais dire, il va peut-être plus toucher, mais en fait, c'est un film à voir en couple. C'est un film à voir en couple, enfin, homme-femme, quoi, pour pouvoir en discuter. C'est surtout ça qui va le rendre intéressant. Si tu le vois... je veux pas dire qu'entre mecs c'est pas intéressant parce que tu peux quand même discuter. Soirée pizza bière entre mecs ce soit le film. Non, c'est pas celui-là. Tu peux faire aussi une soirée avec des copains un peu plus en essayant d'être un peu plus intelligent et puis de regarder un truc débattre et discuter. Et les gars, venez à la maison, il y a des bières, on va regarder Woman Talking, grosse marade. Alors j'avoue que si je balance ça aux potes, je pense que ma soirée elle sera tranquille. Mais non, oui, je pense qu'il y a un film qui est intéressant à regarder en couple, et puis de pouvoir en discuter derrière parce que effectivement, comme je disais avant, tu verras pas forcément les mêmes trucs que moi, en tout cas que ma femme. Elle m'a même, par exemple, bon, je voyais des trucs, elle m'a dit oui, mais il y a ça aussi, tu vois, tu remarques pas ça. Et j'ai dit ouais, sur le coup, ça, moi, ça me m'effleure pas l'esprit que c'est peut-être un truc mal ou un truc comme ça. Donc non, c'est un bon film. Par curiosité, son opinion à elle, c'était que c'était aussi trop long ou pas? Non, elle est okay. Comme toi. Ouais, je résume, hein, ouais, je okay. Résume, non, mais, ouais. Mais c'est jamais assez long. En fait, c'est... parlons plus de viol et de patriarcat. Ouais. Plus long, s'il te plaît. Non, mais après, elle va... Sur ce que tu disais avant, elle va rebondir sur les mêmes choses que toi. Le sujet lui cause, elle va dire... Enfin, voilà, elle va soulever des trucs, des problèmes, elle va dire, oui, ça, c'est comme ça. Non, c'est un film qu'elle a trouvé hyper intéressant. Et je comprends, comme dit, quand je dis que ça touche plus les femmes, c'est dans le sens où, ça vous... Enfin, c'est des trucs que vous connaissez, quoi. C'est malheureux à dire, mais... Malheureusement, voilà. Donc, c'est forcé que ça vous... Ouais, c'est forcé que ça la touche plus. Après, j'aime bien ce que tu as dit, qu'après le film, vous ayez eu des conversations autour du film. Et c'est, je pense, le but du film, que les gens aient des conversations autour. Donc, ça, c'est cool, c'est que ça a fonctionné, en fait. Et que peut-être, toi, ça t'a éclairé sur certains sujets. Oui, après, c'est... Par la discussion, quoi. Voilà, dans le film là, tout est quand même bon. Tu les vois les problèmes, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que à échelle plus petite, nous on le voit. Je parle au boulot avec les chartes qu'ils ont mis en place ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'on a des trucs que tu pensais pas forcément des fois être forcément déplacés, ouais, ou problématiques, tu vois. Et puis que tu te dis après, il y a aussi les gens qui le disent suivant qui c'est machin. Mais tu vois, genre comme je disais, ça l'humisse, il y a des, je sais que maintenant on t'explique que bah non, il y a des femmes, elles apprécieront pas, quoi. Et toi, sur le coup, quand comme on toi tu vois, surtout qu'on est plus en 1987, quoi. Oui, non mais je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il y a, c'est mais que le film se passe en 2010, hein. On le voit pas parce qu'on voit une bagnole passer à un moment, le recenseur qui passe et tout, mais t'as aucun moyen de savoir à quelle époque au niveau de l'habillement, c'est pareil, t'as impossible de foutre une époque là-dessus. Ça pourrait être 1800, il y a quand même le panneau triangulaire, quoi. C'est vrai. Et puis il y a les roues aussi qui font que petit indice, mais après c'est vrai temporalement que tu saurais pas le placer s'il y avait pas le petit camion qui passait par là, quoi, tu vois. Ouais. Flo, je te cède le micro maintenant, je suis aussi intéressé. Mais moi avis. Tu vois, je suis assez étonné que vous le connaissiez pas, parce que moi c'est un film que j'ai déjà vu. Ah ouais Non, je déconne. Mais chapeau, l'ascenseur émotionnel. Je veux dire chapeau. Oh là là. Je me suis trop dit, facile. Flo est un trop allié. Facile. Non, trop pas. Non. J'aimerais être un meilleur allié, mais je le suis pas. Autant que je le voudrais, on va dire. Après, j'ai ce film-là, c'est bien parce que au moins c'est un film qui va pas te mentir. De par le titre. C'est vraiment des femmes qui parlent. Ouais, bah c'est ça, littéralement. Le fait que ce soit un casting, on va dire, 100% féminin, parce que même Ben Whishaw qui est là, mais il n'a pas un gros rôle, il écrit quand juste, même, parce qu'il ressent... Ouais, mais après, il amène des trucs, je suis d'accord, mais à chaque fois, il se dévalorise en disant « Non, mais moi, je suis juste là pour faire le compte-rendu, machin. » Et tu fais « Ok, d'accord. Bon, » bah. Donc pour moi, je le compte pas vraiment, même si effectivement, il amène quelque chose au film. J'avais noté c'est vaincre ou mourir sans la bagarre, mais avec la même foi. C'est vrai que la religion est très omniprésente. Mais ouais, c'est clair, on est sur l'épisode, on a parlé de Sacré-Cœur tout à l'heure, on est sur l'épisode vraiment... De la foi. De la foi. Ouais. Après, c'est très particulier, parce que vu que c'est tiré d'une histoire vraie, donc si ça arrive dans ce genre de colonie où la foi... Oui, est c'est tiré d'un livre, je crois, non ? Oui, d'un livre qui est basé sur des faits réels, donc... Ouais, bah oui. Et donc la foi est forcément, elle fait partie intégrante de leur vie, bien chose sûr, qui n'est pas forcément pareille pour nous. Et donc tu te dis que si ça arrivait à des femmes en dehors de cette communauté, je pense que les décisions à prendre seraient beaucoup plus limitées. Parce que ta foi n'interviendrait pas forcément dans ce que tu, tu débats. Et si ta foi ne fait pas partie du débat, ça coupe certaines options. Parce que leur foi fait qu'elles se disent « je dois pardonner, c'est ce qu'on m'a appris, que je récite dans les... » C'était quoi les philistes ? Je ne sais plus trop. Les... Merde. Comment on dit ? Les versets, c'est ça ? Oui. Les versets de la Bible ou des... Non. Oui, c'est ça. De leur Bible, elle, évidemment, mais... De leur Bible, on va dire les versets de la Bible. Ouais, mais tu as l'impression que ça rapporte encore un poids à leur décision qui pourrait facilement être éliminé si tu n'avais pas cette foi. C'est presque logique, parce que... Enfin, c'est presque logique. Le problème, c'est que, en fait, la religion, c'est elle les maintient aussi dans ce côté de patriarcat, puisque tout ce qui va aller contre l'homme, de toute façon, en fait, c'est péché, presque. Si tu pardonnes pas, c'est péché. C'est si tu tues... Bon, si tu tues, ça marche des deux côtés, mais c'est péché. Si tu fais ça, c'est... Donc, oui, ça les maintient toujours dans ce bloc, et donc, c'est un mur de plus à essayer de franchir. Ouais. Mais c'est péché. Après, c'est aussi parce que, suivant ce que les hommes leur disent aussi, puisque de ce qu'on voit dans le film, vu qu'elles savent les femmes pas lire. Sont très très peu, voire même pas du tout éduquées. Ah non. C'est juste les hommes qu'on éduque. Donc, et derrière, les femmes, tu peux leur dire ce que tu veux. Oui, puis après, tu lui diras de toute façon, c'est écrit là, et puis l'autre... C'est ça, voilà. C'est écrit là, elle sait pas lire. Donc, mais tu te rends compte qu'elles sont pas bêtes, pourtant, tu vois. Ah bah oui, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, hein. Le fait de ne pas être éduqué en termes d'éducation d'être lettré dans le sens d'éducation générale, scolaire, plus scolaire, apprentissage, puisque le reste, il y a de l'éducation qui est non scolaire. Ça c'est acquis pour elle. Après, illettré ne veut pas dire pas intelligent. Pourtant, elles sont éduquées, elles ont malgré tout des questionnements. Ça questionne sur, comme tu disais, Tom, sur le fanatisme religieux. Ça questionne aussi. Elles ont aussi des questions sur l'esprit critique. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi nos options ? Et effectivement, t'as pas, au vu de comment la communauté est isolée, de comment les hommes ont la main mise sur cette communauté. T'as pas 50 solutions. C'est soit tu fuis, soit tu restes et puis tu acceptes ton sort, soit effectivement tu fais une petite révolution et puis tu butes tes bourreaux. Après, c'est pareil, j'ai trouvé ça moi un peu long, mais du fait que je suis pas vraiment habitué à voir un film où tu te dis allez, c'est pendant une heure et demie, on va parler et ça va être qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un truc de pour ou de contre ? Et de débattre sur qu'est-ce qui fait qu'on reste là ? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait partir ? Etc. Donc je pense que j'ai été aussi un petit peu désarçonné par ce format, même si moi non plus, le huis clos ne me dérange pas forcément. Mais j'étais... ok, donc c'est juste ça, et une fois que la décision est prise, ça veut dire qu'on arrive à la fin du film, et là, c'est petite préparation... on apprend un ou deux trucs pour pouvoir se repérer et ne pas tourner en rond et ne pas revenir au village en disant c'est terminé l'aventure. J'ai trouvé ça hyper important, le truc du la navigation céleste. J'ai trouvé ça hyper important dans le truc, parce que si tu sais pas te diriger, tu vas aller quelque part. Tu vas être paumé, tu vas peut-être retourner sur tes pas, et puis il y a des chances où tu retournes au village alors que le but et la décision qui a été prise, c'était de fuir. Et je trouverais ça, con. Mais effectivement, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de marketing sur un produit comme ça, parce que Hyper intéressant, ça te fait poser des questions aussi sur ton, enfin moi en tout cas ça m'a fait poser des questions sur le rapport qu'on peut nous avoir en tant qu'hommes envers les femmes. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu long mais très très très intéressant malgré tout de bout en bout. Ok, yay. Ah, ça me fait bizarre que pour vous trois c'était une découverte alors que moi j'avais l'impression que ça avait été un film assez médiatisé, enfin sans doute parce que mes algorithmes sont... Psycho Gorman, c'était une découverte pour toi aussi, hein. Totalement. Mais non, c'est ça qui est étonnant, ouais, parce que même sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu passer, j'en ai pas entendu. Bah ouais, non, mais c'est ça qui est ouf. Alors comment sur les réseaux sociaux, normalement, tu vois quand même des trucs. Ouais, je sais pas. Et puis après, je me dis quand je vois les recettes qu'il a fait en France, c'est pas possible. Il y a eu zéro com, quoi. Machin a fait 77 000 entrées, quoi. Non, c'est ça. Non, mais attends, si, c'est ça que j'avais après, vu. C'est possible que c'est en regardant les Oscars que j'avais vu, puisqu'il avait été nommé dans une des catégories, que je l'avais vu passer et je m'étais dit, ça, c'est trop pour moi. Et que... Donc, c'était peut-être pas dû à de la com sur les réseaux, mais peut-être juste en regardant les Oscars. 31 000 entrées en France, il a fait, tu te rends compte ? Tellement dommage. Non, mais c'est pour te dire, à mon avis, honnêtement, il y a eu zéro promo en France. Hein. C'est pas possible autrement, quoi. Enfin... Qu'il fasse pas 2 millions d'entrées, je veux bien, j'entends, en France. Mais 31 000, et c'est moins que les Cadors, hein. Donc, alors que je pense que la portée du film est beaucoup plus large. L'intention derrière le film est beaucoup plus importante que ce qu'il y avait derrière les Cadors. Et le traitement du film. Ouais. Je suis très étonné. Moi, je pense que, honnêtement, il n'y a pas eu de com. En tout cas, en France, il n'y a pas eu de com. Il n'y a eu personne à relayer ce truc. Et après, c'est pareil. Il n'a pas été vendu. Le public qui va au cinéma. Il y a un public qui va au cinéma qui veut regarder aussi des trucs peut-être un petit peu plus franchouillards et qui n'a pas forcément envie de se prendre la tête quand il va au cinéma. Non, mais ça, oui. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais une majorité de gens sont comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas un film vers lequel ils vont aller. Et je pense qu'effectivement, la com a dû... Où je suis étonné, c'est que d'habitude, un film comme ça, normalement, chez nous, on l'a planché. Enfin, dans mon cinoche, là. Généralement, des trucs comme ça, on les projette. Tu vois, tout ce qui est... Alors, on fait de la comédie française, on fait de l'animé, mais tout ce qui est un peu sujet un peu important, machin, des films importants, ou beaucoup plus intimes, on a un public pour ça, on a souvent des demandes. Et on se retrouve à projeter des trucs, des fois, tu dis, c'est hallucinant, et pourtant, on fait des entrées, quoi. Et c'est vrai que même ça, on pourrait faire une séance rétrospective où tu le projettes, mais tu sais, avec quelques années de retard. Oui, bien sûr, on peut. Après, après le problème, c'est de demander le film, voir les droits, tout le bordel et tout, qu'est-ce que ça nous coûte et tout. Mais oui, on peut, ça peut se faire. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est le genre de truc, moi, dans les progs de chez nous, généralement, on a toujours un truc qui est un peu pas trop mainstream, on va dire, entre guillemets. Et on a de la demande, on a beaucoup de demandes pour ça. Et je suis même étonné que ça, c'est pas passé chez qu'on en est pas. Ouais, je pense qu'il y a eu vraiment zéro promo. Hein. Le truc a été complètement lâché à l'abandon chez nous. On l'a balancé et puis hop, ça sortira en salle et puis ciao basta. Ah, je m'attendais à ce que vous en ayez entendu parler, mais que vous l'ayez pas vu, ça, je m'en doutais aussi. Vu le sujet et vu comme vous l'avez tous les trois souligné, donc je me dis que c'est peut-être un petit peu quand t'as pas envie de le faire. Rédhibitoire. Le côté où c'est que beaucoup de... Enfin, c'est des femmes qui parlent de leur situation, ou assez tragique d'ailleurs, et que c'est peut-être pas forcément vendeur. Ah, ça, c'est une possibilité, par contre. Ouais. Ça, c'est vrai que sur des distributeurs, il y en a qui se sont dit, des gonzesses qui parlent, programme pas ça, ça va pas se vendre. Ça, oui, tout à fait. Mais sérieusement, je me dis que... Ça marche pour beaucoup de films, malheureusement. Hein, enfin, en tout cas, si tu prends le système du cinéma en France, hein, et de comme il est fait sur beaucoup de choses, ça marche comme ça, hein. Pourquoi t'as énormément de ronds qui sont injectés dans les comédies par les studios, par les chaînes de télé et tout, parce qu'on sait que ça va faire de l'entrée. Derrière, c'est de la rediffusion à la télé assurée à 4, 5, 6 millions de téléspectateurs. C'est un truc qui se mord la patte, hein. C'est que ça. Hein. Tout ce qui va sortir de ça, c'est pas bankable. Donc que ça soit du drame, que ça soit du cinéma de genre, de l'horreur, tout ce que tu veux, c'est pas bankable, c'est pas rediffusable correctement à la télé pour reprendre des fonds derrière. C'est pas investi et il y a pas de promotion dessus, c'est tout. Ça va c'est pas chercher parce pour, que hein. C'est un film qui mériterait d'être vu et par aussi les plus jeunes générations. Alors évidemment, vu les thématique abordée, c'est peut-être pas à mettre devant les publics oui. de tout le monde, mais je pense que c'est un truc qui pourrait éduquer pas mal de générations masculines, notamment parce que je pense que nous, on sait très bien ce qu'il en est de ce genre d'abus. Là où je ne vous rejoins pas, enfin, c'est là où je ne rejoins pas peut-être Thomas, ou même vous trois, en fait, vous l'avez dit, que c'est beaucoup de femmes qui parlent et qu'on perd un peu le fil et que t'as l'impression que c'est une psychothérapie. Eh ben, je le vis pas comme ça. J'ai plus l'impression que c'est important d'avoir toute cette multiplicité de points de vue parce que réagis pas toutes forcément de la même manière à un trauma. On le sait tous, tu vois. Et que donc, elles ont toutes des réactions qui sont valides mais qui sont nées de la façon dont elles vont vivre leur trauma. Le traumatisme. De manière personnelle, ouais. Tu vois. Ouais. Et leur PTSD d'une manière générale, et que donc il y a besoin de cet échange où elles osent mettre des mots sur ce qui les ronge pour qu'on puisse prendre une décision globale, mais que c'est un petit peu un forum où chacune a le droit de finalement prendre la parole et d'exorciser ce qui les ronge depuis longtemps. Je le voyais pas comme à la limite, je voyais pas trop comme une psychanalyse, comme aurait dit Flo. Je voyais plus ça comme plutôt un débat, effectivement, dans le sens où comment elles le perçoivent, et justement, chacun exprime son ressenti entre la violente, entre guillemets, celle qui voudrait tout tuer, celle qui veut essayer de comprendre, voire même excuser, celle qui dit non, faut pas changer ci, ça. Oui, c'est plus comme un débat d'opinion et d'idées. Mais c'est un parallèle important avec la façon dont ça se passe dans la vie réelle, où il y a énormément de réponses possibles à des traumatismes, et que souvent, tu vois, les enquêtes ou les cours de justice disent oui, mais elle a mal réagi, tu vois, elle n'a pas tout de suite déclaré ce qui s'était passé. En fait, le problème, c'est que tu peux l'assimiler aux phases du deuil presque, en fait, parce que souvent, à ce moment-là, dans le film, ces femmes, à quel moment, à quel moment temporel elles ont subi leur agression, tu peux le subir comme un deuil entre le déni, non, ou ci ou ça, ou tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que pour Sarah Polley, c'était important de montrer au monde, à la société, qu'il n'y a pas une bonne façon de réagir à ce genre d'abus, à ce genre d'agression. Que tu ne réagis pas à un viol de la même manière que tout le monde. Il y a une pluralité de réactions et elles sont toutes valables, toutes possibles. C'est-à-dire que dans l'idéal, ça serait de le dénoncer tout de suite, c'est sûr. L'idéal, ça serait ça. C'est que s'il vient avoir un viol, ça serait pouvoir le dénoncer tout de suite et puis effectivement pouvoir condamner, faire tout ce qu'il y a à faire. Ça serait l'idéal, mais effectivement, chaque personne réagit à un traumatisme différemment. Entre ceux qui vont se murer dans le silence, entre ceux qui vont le prendre, comme tu dis, le déni, ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont se rebeller, effectivement, c'est compliqué. C'est un traumatisme, ça reste un traumatisme. De montrer ça comme ça. Je trouvais pas non plus, à l'inverse de Tom, que je me perdais dans leurs élucubrations, parce que pour moi, ça se tenait, en fait. Elles se lançaient une balle de ping-pong tout du long. Il y en a une qui réagissait d'une certaine manière. J'ai pas vu de raquette. Hein. Et une autre bondissait sur certains propos, pas pour s'approprier les propos, mais pour éduquer les gens. Et pour se dire, ça, c'est ta pierre, mais on peut construire dessus et on peut aller vers l'avant. Enfin, je sais pas. Je l'ai pas ressenti forcément comme Tom. Je trouve pas non plus qu'il y ait des longueurs. Pour moi, le film, je le trouve parfait, en fait. Je n'ai rien à lui reprocher. Sans doute parce que ça touche forcément plus mes sensibilités que les vôtres et que le sujet est tellement important à mes yeux qu'il méritait un film aussi bien foutu, en fait, sur ce sujet. Où tu ne peux ne reprocher ni la photo, ni la musique, ni les performances des acteurs, ni l'écriture du truc. Pour moi, tout se tient et il n'en perd. Il n'y a rien qui se perd dedans. L'importance de tout ce qui veut être abordé est évidente tout du long. Et j'étais contente de vous le faire découvrir, mais je suis encore plus contente de savoir que vous ne l'avez pas rejeté en bloc parce que j'avais un petit peu peur que ce soit le cas. Bon, yes. Psycho Gorman est vérité, un petit peu au-dessus quand même. Mais... Voilà, on lui dit la vérité, les gars. Allez. On dit qu'on a détesté. Oui, ouais, allez. Si on passait à un sujet plus drôle, eh ben, on va bonne partir soirée, sur merci. La Vendée avec le film phare de la soirée, Vaincre ou mourir. Le national a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La guerre ! Non ! La guerre ! Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort ! Après avoir incendié toute la Vendée, Voilà qu'elle nous incendie à son tour. Ils ne sont pas du pays, nous aussi. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les battre ! Vous avez endormi avec de belles promesses, c'est tout. Mais la paix n'est-elle pas possible ? Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, ou rendre à Charette ce qui lui appartient. C'est que Flo avait mis vaincre ou mourir dans la liste avant moi. Et, c'était une blague de base. Et il l'a retiré. Et je me suis dit, l'occasion est trop belle. Non, on va regarder ce film. T'as mordu donc, à l'hameçon. Évidemment, c'est un troll de Flo. C'est un troll absolu de ma part. Et je remercie... Mon film passe en quatrième. Oui. je remercie Flo de m'avoir cédé la place là-dessus. Je savais évidemment où je nous entraînais tous dans cette... Alors... Je savais que je nous entraînais dans les abîmes. Je pensais pas que les abîmes seraient aussi traumatisants pour Jess. Oh, parce que je crois qu'elle sait le nombre de questions qu'elle a posées sur le groupe. Je crois qu'elle s'est à peu près plaint sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. C'est-à-dire sur notre, elle nous a fait un live message sur notre groupe WhatsApp. Ouais. Sur Letterboxd où elle ne poste jamais aucune critique, elle en a mis une. Évidemment sur Blue Sky, je crois que sur les Discord c'est pareil. Enfin voilà, il y en a eu de partout. Vivement sacré cœur. Je tiens à communiquer ma souffrance. Même en Angleterre, il le seul. J'ai senti ce besoin d'exorciser. On savait qu'elle serait cliente de toute façon. Ah ça. Mais alors, parce que avant que tu te lances dedans, le truc, moi je croyais que ce film était un peu à l'instar du film qui a fait pas mal de bruit aux States, le truc qui parlait, je connais plus le titre, mais d'un mec qui essayait de trouver des gens qui trafiquent des gosses et des machin, gosses là avec Sound of Freedom, en soin. Techniquement parlant, apparemment, je l'ai pas vu, mais le film est pas dégueulasse. Et moi, je pensais que Vaincre ou mourir, c'était le même topo que techniquement parlant. Oula, pas même bien. C'est le twist. Et c'est le twist. En fait, Jess est extrême droite. Et elle est même là-dessus. Et oui. Ça passait pas. Il y a rien qui passe. Mais je te laisse continuer, enfin. Tom. Oh, non, pas de souci. Voilà, donc on va parler de Vaincre ou mourir, film de propagande réalisé par Paul Mignot et Vincent Mottet. Voilà, d'illustres inconnus au bataillon, hein, évidemment. Qui le resteront, évidemment. Évidemment. Un scénario de Vincent Mottet, et c'est ça qui est intéressant à venir, d'après le spectacle du Puy du Fou, le dernier panache. Donc nous avons un film, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui est, comme Pirates des Caraïbes, tiré d'une attraction. D'une attraction. Mais je comprends pas, c'est quoi le Puy du Fou? C'est la France du révisionnisme. Voilà. C'est un parc d'attractions en France ou pas? Alors, c'est un parc d'attractions. Oui, c'est un parc d'attractions. Alors, ils appellent pas ça attraction, je crois. Ah non, oui, attraction, on est sur des spectacles. Ouais, hein, parc de spectacles. Littéralement, on est assis. Mais on pourquoi est assis, tu y vas, on voit des mecs qui font des trucs. Parce que tu nous as déjà dit allé une fois. Oh, c'était plus qu'une fois, il me semble. Il y va tous les mois. Oui, pas tous les mois quand même. Après, est-ce que j'y vais? J'ai un abonnement, donc j'y vais une fois, deux temps sans fois. Non. Donc c'est un parc de spectacle. Parce que, en fait, pour la petite histoire, ma femme est prof et ils font des fois des journées portes ouvertes où t'as les places gratuites. Mais tu les brûles. J'ai une place gratuite. Alors, par contre, Flo, tu vas me dire, apparemment... Je n'y retournerai pas, hein, par contre. Esthétiquement, par contre, c'est joli, apparemment. Les spectacles, esthétiquement, je parle. Les spectacles c'est joli. Sont jolis. Voilà. Les costumes sont beaux, comment ça se passe? Ouais, les chorégraphies, les costumes, tout ça, apparemment, c'est hyper bien fait. Ils ont mis le paquet, t'as les costumes, les voix, c'est des doubleurs français. Il y a Robert Hossein, non? On est... Non, il n'y a pas Robert Hossein qui fait des voix là-dedans. Non. Mais non, mais on a... ah si, je crois qu'il y a Robert Hossein. Ah oui, je trouve ça bizarre. Il y a des grandes voix, des trucs comme ça. Mais ouais, non, à part ça, au-delà du spectacle, tu fais oui, ok, d'accord, Dieu, super, cool. On est content. Ok, donc eux, au Puy du Fou, avaient écrit un spectacle duquel est inspiré le film Vaincre ou Mourir. Voilà, c'est ça. Donc il y a un spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache. Donc le panache, d'où le chapeau, okay. Charrette. Et ce spectacle, il se trouve que je suis allé le voir l'été dernier. Donc, mais lui aussi, vous plaît. Mais t'es allé au Puy du Fou. Pas que moi. Mais bien sûr, je suis allé au Puy du Fou. Alors arrêtez avec moi, Parce que je savais qu'on allait parler de Vaincre ou Mourir, donc j'ai fait un travail de recherche en profondeur. Ah putain, il a été exprès. Oh, mais pourquoi tu donnes de la thune à des gens pareils? Enfin, Non. Mais entre les casquettes Maga que t'achètes au States et les places du Puy du Fou, mais tu tournes. T'as pas vu ces brassards rouges encore? Ouais. Je les garde pour plus tard, celle-là, quand même. Pas déconner. Au cas où. Je suis allé au Puy du Fou donc l'été dernier, et on a assisté donc à ce spectacle, le dernier panache, donc sur Charrette. Et c'est un spectacle, alors pareil, techniquement, c'est exceptionnel, parce que on est dans une salle de spectacle qui est ronde, en fait. Tu rentres en fait par ce qui va être un écran circulaire, et en fait t'as des panneaux coulissants qui viennent refermer les portes, et tu es donc assis au milieu, et tout le plateau sur lequel il y a les fauteuils est mobile. Et donc, en fonction du spectacle, eh ben le plateau tourne pour t'amener à certains endroits, ce qui permet en fait à tous ceux qui participent au spectacle, de se positionner à d'autres endroits pour que, une fois que le plateau retourne, ça te ramène et que tu aies des scènes qui soient prêtes à jouer. Il change les décors dans ton dos et oui, exactement. Donc okay. Techniquement, c'est incroyable. Ouais, apparemment, c'est grandiose et les spectacles sont grandioses. Apparemment. Ah oui, techniquement. Attends, Jess, on va y arriver. Mais c'est aussi probablement pour ça que le Puy du Fou, ça fait 2-3 ans qu'il est nommé dans les meilleurs parcs d'attractions au monde. C'est probablement aussi par rapport à la technique qui est employée. Et je pense que ceux qui votent là-dessus ne regarde absolument pas le contenu de ce qui est proposé, évidemment. Ah oui, non, regarde le spectacle. Et doublement problématique, putain. Exactement. Donc, alors, on va venir, évidemment, maintenant à... Attends, parce que est-ce que le Puy du Fou est financé par l'extrême droite chrétienne de la France? Oui. De Vizier, il n'est pas à ce point-là, quand même. Ah, j'ai fait des recherches sur ce mec. Très, très extrême droite, quand même. Sa famille aussi. Brûler des sorcières, ça va. Il est pas extrême droite, il est à l'extrême droite de l'extrême droite. Ouais, on est très fin. Il est à la droite de l'extrême droite. Et après, c'est pareil, c'est dans le film, est fait par Canal+, et on y reviendra peut-être, ça. Bah si, c'est ce que j'allais dire, société de production Puy du Fou Film et Studio Canal, donc qui appartient à... Vincent Bolloré. Ouais, Bolloré, c'est qui en fait? Parce que j'entends son nom c'est un ultra riche qui est... C'est l'ami du petit déjeuner. qui est pote avec les financeurs du... Enfin, avec les propriétaires du Puy du Fou, machin. Bah c'est enfin, comment voilà, c'est une... Comment lui... C'est lui, un gars bien. Il a pas violé lui, des gens? Non, Bolloré, non. Non, pas Bolloré. Bolloré, non. Non, Bolloré, il a tué des Africains. Ouais, c'est l'aider, lui, il y a des trucs en Afrique, lui. Chez les De Villiers. Mais De Villiers, lui, c'est chez les De Villiers, c'est de frère en sœur. Voilà, c'est ça, c'est dans la famille. Ah, c'est inbred. Voilà. C'est ça, dans le pain. Ouais, voilà. C'est dans le pain. Dans le pain. Non, Bolloré a un groupe mondial, c'est un capitaine d'industrie, et il est ultra-catho, fondamentaliste, enfin voilà, ouais. Et donc, ah, ça se ressent pas, tiens, dans le film, que la religion, c'est important pour ces gens. Pas du tout. Non. Le film a un budget qui a été estimé, parce que ça n'a pas été rendu public, mais qui a été estimé à un peu moins de 5 millions d'euros. Allez, mytho. Allez, vas-y. Et il a... Alors, si, et c'est peut-être pas impossible. Je vais t'expliquer pourquoi après. Oui. Il a fait un box-office de 287 000 entrées France. Donc voilà, ça, voilà. On rappelle que Woman Stalking, 31 000. Ça n'a pas bien marché, oui. C'est... Choquant. Il a été distribué par Sage Distribution, Sage S-A-G-E, ah, oui. Qui est une entreprise spécialisée en production et distribution de bondieuseries, notamment Sacré-Cœur. Voilà, ils vont fusionner avec les trucs à Kevin Sorbo là, et compagnie maintenant. Ouais, ouais. Et donc, c'est des noms que j'ai jamais entendu. Mais c'est qui ces gens? Non, non, mais c'est, okay. C'est Kevin Sorbo, c'est Hercule. Bah, Kevin Sorbo. C'est pour te dire que tout ça fonctionne dans un écosystème. Crade, dégueulasse. Il faudrait ultra, vraiment ultra, brûler de l'intérieur. Ultra religieux, fondamentaliste. Comment. Oui, et donc qui va aussi sur une dynamique révisionniste, notamment sur la révision de l'histoire de France, et pour les Vendéens sur la partie donc post-révolution française, voilà sur ce que eux veulent absolument faire reconnaître comme étant un génocide, mais qui n'est rien d'autre qu'une guerre civile en fait, ce qui s'est passé. Total. Qui se sont soulevés contre la République. Exactement. Et si tu crèves, tu crèves. Pour eux, c'est un génocide. Voilà. Et pour eux, le fait qu'il y ait des Vendéens qui étaient tués, c'était un génocide. Voilà. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que voilà, si la Vendée avait accepté la République, personne ne serait venu les tuer. Quoi. Enfin, bon. Mais de base, je ne comprenais pas, parce que je ne savais pas de quoi parler ce film. Que dans les, je vous arrêtais pas de vous envoyer des messages, je dis mais je comprends pas, les gens là ils sont pro monarchie et je comprenais pas que ce soit le parti pris du film de dire yay, on voulait qu'il y ait Louis XVII et bah si, parce que de Villiers il attend que ça hein, lui hein, le retour de la monarchie, hein, c'est un royaliste, ce sont des monarchistes, ce sont des royalistes, voilà, c'est des royalistes monarchistes. Je comprends pas, les gens en Vendée ils étaient aristos tous ou quoi? À non, quel moment, en tant que Jess... paysan, tu te dis c'était bien sous le joug de mais, du non, roi mais soleil mais Jess, c'est, Jess, un film. C'est comme le truc de société où tu te dis ah bah attends, on n'a jamais essayé l'extrême droite, on va voir. Enfin, c'est exactement la même chose qui se passe dans la société maintenant. Et puis il ne faut pas oublier que dans le film, on veut te faire croire que si 800 ou 900 000 Vendéens étaient contre. Il y en a plein contre. Qui commencent à dire... chez vous maintenant. Non, mais à l'époque du film, en 1780, machin. Justement, Jess. Ça, je sais pas. Jess, justement, le film essaie de te faire croire que 800, 900 000 Vendéens étaient contre la République. Mais oui. En vrai, ils étaient peut-être que 50 000, et puis les 800, 750 000 autres, ils étaient pour la République. Hein. Ça, c'est le prisme que t'envoie le côté puits du fou, tu vois. Eux, ils veulent te vendre ça. Mais comment est-ce que t'essaies de que toute la Vendée, plus d'autres, se sont soulevés pour ça, alors que non mais pas du ils tout. Ont lu, enfin historiquement parlant, la France ou le roi, c'était la merde pour les gens, enfin les petits gens. Normalement oui, en tout cas au moins 90% de sûr quoi. Mais là, mais à quel là, moment, on est sur du des coup, paysans qui ont dit non, nous c'est Dieu et le roi. Mais donc, ça déjà je comprends rien là, le film perd là et ça fait 3 minutes qu'on est dans le film, je comprends rien. C'est alors, quoi ce parti pris de on merde est aussi, On est aussi à une période post-révolution, post-1789, qui s'appelle la Terreur, voilà, où ça guillotinait facilement. Où ça guillotine à tour de bras aussi. Donc, la République, c'est aussi ce que le film sous-tend derrière, c'est que voilà, la République... C'était des tyrans. Qu'on essaie de te vendre ne valait pas mieux que la royauté qu'il y avait avant. Oui, parce que c'est la période de transition. Infancy. Ouais, que t'es encore dans les balbutiements de la République, mais il faut que ça se mette en place. Mais après, pour les paysans, je pense pas que c'était pire avec la Nouvelle République, parce que eux, ils risqueraient pas de se faire guillotiner, c'est tous les aristos qui perdaient un peu la tête. Enfin, littéralement. Les aristos, pas mal. Après, je pense que si t'étais ouvertement contre la République, tu pouvais quand même finir à la guillotine. Hein. Oui, mais déjà, c'est ça que je comprends pas. À quel moment t'es contre la République? À quel moment tu veux revenir à ce qu'il y avait avant, alors que tu souffrais énormément? Parce que les gens, on est d'accord, c'est pas tous les gens qui voulaient ça. Ne connaissent pas. Voilà. Ils peuvent aussi être contre. Quand il y a du changement, globalement, les gens détestent le changement. Ouais, sauf si ton quotidien avant le changement, c'était tellement oppressif. Oui, mais là, comme tu l'as dit, c'est des balbutiements, donc ils n'étaient pas forcément organisés tout ça, oui, de comment ça allait se passer. Oui, de comment t'as allait pas les retombées sont pas immédiates. C'est peut-être un peu bancal. T'as les retombées qui sont pas immédiates. Et encore une fois, c'est en ça que c'est un peu du révisionnisme, puisqu'ils te font croire que tout le monde, des paysans jusqu'au seigneur, était ah ouais, non, on veut que le roi y revienne, hein, franchement. Et l'église, c'est trop cool. Parce qu'apparemment, l'église n'avait plus ce et l'église aussi. Oui, et c'est notamment, c'est notamment aussi un des points importants, c'est l'emprise de la religion, notamment dans cette région-là, qui avait un poids extrêmement important, qui fait que si tu étais un bon croyant, un bon chrétien, tu voulais. D'ailleurs, le symbole de la Vendée, c'est toujours le cœur avec la croix. Ouais, tout à fait. Fini le train de pensée pour les gens à l'époque. Si tu étais un bon croyant, quoi, ça t'amenait quoi? C'était de la terreur de la religion, c'est tout. C'est que si t'étais pas croyant, exactement. Donc concrètement, ça ne change rien que tu crois ou pas. Jess, oui, mais c'est plus compliqué. Quand t'es dans ces époques-là, tu peux pas avoir le même recul au niveau de réflexion que les gens de cette époque-là par rapport à la religion. Faut dire que tu t'es derrière des centaines d'années de bourrage de crâne de religion qui s'est clairement emmailloté avec la monarchie pour justement imposer son pouvoir, puisque d'un côté t'avais le roi qui pouvait faire ce qu'il voulait, qui était largement soutenu par la religion, et vice versa, les deux se tiraient pas dans les pattes. Là, t'as des années et des années de matraquage mental à des gens où on leur explique que si t'es pas croyant, que tu fais pas ci, que tu fais pas ça, tu vas mourir, tu seras excommunié, tu iras en enfer, tu iras ci, tu iras ça. C'est compliqué à cette époque que les gens... Déjà, il y a eu une révolution contre la monarchie. Alors après, le temps que la religion vienne encore par-dessus, il faut encore un peu de temps. Mais donc, on peut pas réfléchir aussi vite que ça à cette époque. Ils prennent tout dans la tronche à ce moment-là. La religion, elle est tellement implantée qu'il faudra des années avant que les gens commencent à ouvrir, et puis avec l'arrivée de la science, vraiment, tous ces trucs-là, quoi. Mais à l'époque, c'est clairement, t'es obligé d'être croyant. Attends, parce qu'en 1789, il y a quand même des avancées scientifiques. Mais, enfin, oui, on mais il y en a, mais t'as toujours... Plus, tu vois. Non, je suis d'accord, mais t'as toujours la religion. Et t'as la religion, ils ont banni des mecs parce qu'ils ont dit que la Terre est ronde, enfin, tu vois, des trucs. Mais oui, et en France, la séparation de l'Église et de l'État, c'est que... 1905. Début 1900, c'est 1905. Bah oui, non, non. Mais c'est ça. Ah oui, si, c'est ça qu'il faut se dire. Si. Oh, what? Alors, ensuite, en courant 19e siècle, effectivement, la religion n'avait plus autant d'emprise de puissance, et d'importance. Voilà. Et la loi de 1905, elle n'a fait que acter une séparation définitive, et notamment sur le fait que l'État ne devait plus... être responsable des dépenses de l'Église française. Voilà. Mais, parce que avant l'État était responsable des dépenses et il l'est encore sur tous les bâtiments églises notamment qui ont été construits avant la promulgation de la loi de 1905, l'État est toujours tenu de les entretenir, donc cathédrale, église, etc. Et tout ce qui a été construit après est de la responsabilité de l'Église française. Ok, mais les églises ne payent toujours pas de taxes parce que statut particulier en tant que mouvement religieux. Oui, oui, de toute façon, okay. Oui, elles, pas... leur comment ils savent défiscaliser, t'inquiète oui, pas. Oui, l'argent qui est reçu par les églises, oui, effectivement, n'est pas soumise à. Tu trouves pas ça tendancieux à une époque où on sait qu'il y a des tas de bifetons qui se prêtent aux partis politiques et tout sous la table et que forcément il y a directement une ingérence entre l'Église et l'extrême droite. Le parti politique aujourd'hui, c'est lui qui va diriger mon pays et qui va influer sur ma vie. L'Église française, pour moi, elle a aucune influence sur. Et si l'Église finance un parti qui prend le pouvoir à ce moment-là, ton Église dans la. L'Église peut encore être quand même une sorte de lobby où. Oui, elle ramène des votants. C'est surtout ça, elle ramène des votants. Enfin, quand tu vois Bolloré ce qu'il fait avec ses médias. alors qu'il est ultra ultra catho. Ouais, mais il y a moins, ultra dans la, il y a moins de 5% des Français qui vont à l'église le dimanche, hein, tu vois. Oui, maintenant oui, c'est très... Oui, mais enfin je pense que c'est là où tu vois que ça revient, c'est que il hésite pas, lui, sur ses chaînes, à mettre directement une messe en direct. Oui, mais tu l'as sur ses chaînes. Oui, bon, mais après, tu l'avais sur France aussi, 2 pendant des années, hein, le jour du Seigneur. Oui, tu l'avais aussi sur le service public, c'est vrai. Mais qui était avec d'autres émissions, oui. d'autres religions. Obédience, on est d'accord. D'autres religions. Tout à fait. Sauf que là, c'est juste vraiment. Ah si, c'est vrai qu'il parlait un petit peu de l'islam aussi sur ses news. Ah, Bolloré, c'est de la propagande. Hein. C'est de la propagande, hein, c'est clair. Hein. Sorry, Tom, on t'a coupé dans ton élan total. Je reviens sur le film, comment il est sorti, donc évidemment en janvier 2023 en France. Ouais, reste dans là. Je suis pas sûr qu'il soit sorti ailleurs, d'ailleurs. Et c'est pour ça que le tournage s'est déroulé au parc du Puy du Fou et dans les alentours. Donc c'est probablement aussi pour ça que le budget a pas été démentiel, parce que il a eu lieu sur un site qui était déjà configuré pour ressembler à la Vendée de l'époque. Que comme c'est Puy du Fou Film qui l'a produit, je pense que ça a pas dû coûter très cher d'occuper le parc. J'ai lu un truc, Tom, tu me diras après, je sais pas si tu l'as lu ou pas, ou si c'est vrai ou pas, que au départ en fait c'était parti pour être un espèce de documentaire et qu'ils ont transformé ça en film en reliant les scènes avec les voix off et compagnie, quoi. Totalement. Et comment, mais ça commence comme ça d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'ils ont gardé les, comment ça s'appelle, les témoignages des historiens au début. Alors il y en a un, qui était qui avait fait un témoignage au début du film, et quand il a vu la version finale, il a demandé à ce que son témoignage soit retiré parce qu'il était plus d'accord avec ce que le film montrait. Mais c'est surtout une manipulation du producteur pour apporter un cachet d'authenticité. Bon, après les historiens qui parlent devant, pour avoir lu un petit peu à gauche à droite, c'est des mecs qui sont soumis à la cause quand même, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, alors surtout le premier, la deuxième, la nana, et le troisième qui parle un petit peu moins quand même. Et puis ce qu'ils disent n'est pas vraiment... Ils disent juste que la Vendée s'est organisée assez vite. Ouais, voilà, c'est pas trop sujet à caution, effectivement. Le premier qui parle, oui, lui, c'est plus un fondamentaliste de la cause, effectivement, et qui a priori est quand même un gars un peu plus problématique. Voilà. Mais quelle cause, putain, je comprends rien. Quelle cause? Ben la cause des Vendéens. Mais oui, ouais, mais c'est la Vendée libre. Oui, ça, tu vois, non, mais, c'est bon. On est en 2026. Non mais ça, ce film est un pavé supplémentaire dans la quête, la lutte, notamment de la famille de Villiers, pour faire reconnaître un génocide en Vendée. Un génocide. Ah, c'est ça le but non avoué du film. Alors c'est un des buts, oui, tout à fait, tout à fait. Avoué ou non avoué? Ils s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas qu'ils veulent arriver un jour à ce que l'État français. Mais qu'est-ce que ça leur fout que 3000 ans après on vienne dire ok, c'est un génocide ou pas? Mais ça prouvera que, parce que depuis le début on dit que c'est des escrocs et qu'ils ont fait du révisionnisme, ça prouvera juste qu'ils ont raison. En fait on avait raison. Mais de toute façon ça se qualifie pas de génocide. À quoi, combien de personnes sont mortes? Moins de 300 000. Tu te poses des questions auxquelles personne n'avait pensé, Jess. Ouais, enfin, je veux dire, ça. T'es même pas dans les millions de morts. Le génocide, la notion de génocide, elle n'est pas liée à un nombre de morts. Mais on n'a pas exterminé toute une race ou tout un peuple. Exactement. On a exterminé des gens qui se sont soulevés contre la République. Mais ça, c'est une guerre. Eux, ce qu'ils veulent rajouter dedans, c'est les exactions qui ont eu lieu aussi dans certaines villes et villages. Oui, avec le feu partout. Voilà. Là. Exactement. Ouais, et qui veulent ajouter. Pourrait dire que ajouter si on ça. Ne reconnaît pas que ce qui s'est passé en Palestine est un génocide, il y a zéro chance que ce qu'on vous reconnaisse que qu'est-ce qui se soit passé en Vendée soit un génocide. Tu vois? Du coup, ils peuvent aspirer pendant 3000 ans. Enfin, c'est clair. Mais quand tu vois que il y a encore énormément de pays qui n'ont pas non plus reconnu le génocide arménien par la Turquie au début du XXe siècle, je pense que les Vendéens, ils peuvent encore. Ils peuvent attendre. Ils sont en bas de la liste. Ils peuvent encore attendre, effectivement. On va reparler un petit peu sur le film de la distribution parce que c'est assez incroyable qu'ils aient réussi. Alors ensuite. Les acteurs, il y a deux trois vrais acteurs, il y en a deux trois, le Hugo Becker voilà déjà il vient en plombier chez moi, je le crois pas. Il sait jouer, le problème c'est probablement la direction des acteurs qui est pas très bonne. Non, c'est son jeu d'acteur aussi, je pense. Est-ce que tu as vu d'autres films d'Hugo Becker? Je vais surtout pas aller rechercher d'autres films que ce. Voilà. C'est la direction d'acteur. Je vais te dire, regarde, prends l'exemple. Pedro Pascal dans Wonder Woman 84. Voilà. C'est le seul qui est bien dans Wonder Woman. Mais non, il est nul, je regarde plus ses films. Il est le seul élément un peu drôle du film. Il est en roulis total, il fait n'importe quoi, il sert à rien. Enfin, parce qu'il est pas bien dirigé. Et ben là, c'est exactement le même problème. Enfin, tu as et t'as d'autres acteurs dedans qui sont connus, Gilles Cohen, Jean-Hugues Anglade, Grégory Fitoussi. Enfin voilà, t'as quand même quelques noms qui ressortent. Et puis, je pouvais pas m'empêcher effectivement de regarder à quoi il correspond. Donc, Hugo Becker joue François Athanase Charette de la Contrie. Charette. Exactement. Le mec s'appelle Charette, tout le long du film. Flanqué de son meilleur ami François Prudent Hervouet de la Robrie. Voilà. Prudent. Attends, c'est qui lui dans le film? C'est Prudent. Mais il n'y a pas Prudent. De mec. Mais si, c'est celui qui lui dit « Tu portes mal ton nom ». De quoi ? Il y a une personne qui lui dit des trucs ? Putain, j'ai rien compris parce qu'il en fait. Elle a pas vu le film, en fait. Gilles Cohen qui joue Jean-Baptiste de Couétus. Bon, là, il a le nom le plus court de tout le monde. Et je ne pouvais pas ne pas citer une actrice qui s'appelle Dorcas Copin et qui joue Marie-Adélaïde de la Touche Limousinière de la Rochefoucauld. Voilà. Elle dit juste qu'elle s'appelle Adélaïde de la Rochefoucauld dans le film. Oui. Elle dit pas tout le nom. Tout à fait. Mais le vrai patronyme est Marie Adélaïde de la Touche Limousinière de la Rochefoucauld. Je pense que quand elle allait à la préfecture pour remplir le formulaire CERFA de 227, elle a dû bien en chier quand même. Putain, elle était dans Mortel Raclette quand même. Elle a joué dans Mortel Raclette. Pas mal. Arrête de se foutre de sa gueule, s'il vous plaît. C'était nul à chier. Voilà. Donc voilà pour les petites choses autour du film. Et puis effectivement, parlons de ce film qui. Attends, mais Hugo Becker, pourquoi il est allé dans ce film? Pourquoi il a accepté ce... On te dit, t'as 4 ou 5 semaines de tournage, t'es payé X dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros. C'est ton boulot, pourquoi tu le ferais pas? Mais tu fais pas un peu des recherches sur les personnes pour qui tu bosses? C'est pas ta responsabilité en tant qu'être humain? Et alors, quand tu joues Adolf Hitler, t'es pas nazi pour autant, hein? Ouais. Bruno Gantz qui joue Hitler dans La Chute... Ah ouais Non, mais c'est pas le problème de jouer Hitler, c'est de savoir pour qui tu bosses, qui finance ton film. Si tu sais que c'est derrière De Villiers-Bolloré, machin... En tant qu'acteur, tu pourrais peut-être poser deux secondes et te dire si tu veux plus tourner avec Bolloré, tu tournes plus en France. Un peu de chance pour toi. Canal+, c'est le premier financeur du cinéma en France. Plus de 60 à 70% du Studio Canal, c'est colossal. C'est Canal. C'est colossal, Studio Canal. Ouais, mais au-delà de qui finançait le film, tu vois le script, tu te dis quand même, il y a un problème. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette approche? Et ensuite, faut croûter aussi, dire qu'à un moment... Je vois sa filmo, je me dis, il a suffisamment de thunes que pour s'acheter du pain et des œufs le matin, tu vois. Alors, il y a une pénurie d'œufs chez nous en ce moment. Est-ce que c'est un film de fiction? Ou est-ce que c'est un document? Comment ça a été présenté? Comment ça a été présenté? C'était prévu au départ que ce soit un documentaire. Ouais, et pas un film. voilà, donc un documentaire acté, travaillé, tu vois, ça existe. Peut-être que c'est ça. Bah, après, honnêtement, t'en as plein qui l'ont fait, ça. Des acteurs connus qui ont été cachetonnés dans des trucs pas possibles. Bien sûr. Je dis pas que c'est pas une excuse, mais bon. Il y a cachetonné comme Nicolas Cage, où tu fais des films d'obesques pour la thune, mais c'est pas pareil, c'est inoffensif. Ça, c'est offensif. Désolé. Ouais, mais enfin, c'est offensif, viteuf, hein, quand même. Ceux qui ont joué dans. À part Travolta, puisque lui, il est scientologue, mais ceux qui ont joué là dans. Battlefield Earth, on va y arriver. Est-ce que sur les autres acteurs principaux ou tous les autres, est-ce qu'ils savaient que le truc était financé par la Scientologie ou machin? Totalement. Et de toute façon, aux États-Unis, ce n'est pas un problème, vu que c'est une religion légale, officielle. Voilà. Donc, après, je crois que même aux States, ils sont un petit peu farouches par rapport à la Scientologie, parce qu'ils savent que ça vient avec des... Parce qu'ils ont vu l'épisode de South Park. Placards. Ouais, mais non, parce qu'il y a vraiment une mauvaise réputation autour de l'église de Scientologie. Je te confirme que South Park, ils les ont défoncés dans tous les sens, hein, la Scientologie. Alors là. D'ailleurs, il y a même eu le départ d'un des acteurs de doublage de South Park parce qu'il était scientologue. C'est ça. Et le meilleur épisode de South Park que je te conseille, c'est celui quand ils expliquent la scientologie, où donc t'as Stan qui va se retrouver à aller faire les tests Theta et tout là, où il t'explique réellement de l'histoire de la scientologie, de à quoi il croit. Ils arrêtent pas de te mettre en dessous. Ceci n'est pas une bêtise. Ils croient vraiment à ça, tellement ça paraît incompréhensible, tellement tu pourrais être con de croire ça, quoi. Ils sont obligés de te mettre en dessous. Et des extraterrestres. Oui, les mecs avec les. Et ben ils sont obligés de te mettre en dessous que c'est pas une connerie, quoi. C'est vraiment à ça qu'ils croient, quoi. Mais parce que le gars qui est à l'origine de la scientologie, à la base, il écrivait des romans science-fiction. C'est ça. Renobard. Donc, c'est un petit peu nawak, son truc, t'as l'impression. C'est un épisode de Star Trek ou... Battlefield Earth, c'est tiré d'un bouquin qu'il a écrit, bien sûr. Oui, mais c'est daubesque, tu vois. C'est surtout, ils n'avaient pas de bol. Le seul pied de caméra qu'ils avaient, il était de travers, en plus. Donc. Oui, c'est vrai. Le film, il est comme ça à chaque fois. Ah, ça fait mal à la tête. Enfin, oui. Repartons sur un vrai bon film. Qui a fait mal à la tête à Jess aussi, voilà. Mais effectivement, dès le démarrage du film, tu sens les problèmes arriver. Comme disait Jacques Chirac, ça vole en escadrille, quoi. Tu sens que ça va aller crescendo et tu vas pas t'en sortir. Et puis effectivement, ça ne fait que grandir. Putain, c'est long. Oh mon Dieu, j'en pouvais plus. Je saignais des yeux, des oreilles, de la bouche. Dis-toi que c'est une fresque historique. Le genre de film comme ça, c'est 3 heures normalement. Ouais, t'imagines, t'aurais pu avoir le format Ben-Hur de Vaincre ou Mourir. Est-ce que tu crois qu'ils ont coupé? Est-ce qu'ils avaient prévu plus long et qu'ils se sont dit c'est pas très comestible? Sincèrement, je m'en bats les couilles. Ouais, je pense pas. C'est déjà trop. J'ai même plutôt l'impression que ça rush, moi, donc. Si c'était Zack Snyder qui avait réalisé le film, on aurait eu droit à un Snyder Cut et une version de 4 heures. Ça, c'est... Mais au moins, si ça avait été Zack Snyder, il y aurait eu des trucs dans les combats qui m'auraient... J'aurais pu me mettre les combats sous la dent. Tu vois, ça n'en reste pas moins que c'était problématique quand même si c'était Zack. Non, mais c'est juste que là, non seulement c'est problématique, non seulement le message me choque extrêmement beaucoup, mais en plus, tu me teases des espèces de grosses batailles entre ces forces de Vendéenne qui se rebellent contre l'ordre de la République. Ah ouais, mais c'est parce qu'ils avaient vu les seigneurs de guerre. Ouais. C'est ça. Ça me faisait penser au film de Jet Li que je vous avais malheureusement infligé. Tu passes complètement. Tu fais une ellipse en fait. Dès qu'il y a un combat, ellipse temporelle. On passe après le combat. Tu as vu, sur ces scènes-là, il y a très peu de plans larges. C'est des gros plans serrés parce qu'ils ont personne en fait. Le budget effectivement était short. Je pense que la clique de Villiers a essayé de rameuter des figurants du parc, mais probablement des figurants du parc. Tu sais, les figurants de la les figurants de la Sénécénie, ils sont 250, hein, tu vois, donc voilà, ça monte pas une armée, cette histoire. Toutes les scènes de baston sont effectivement filmées en gros, sont filmées en gros plan. C'est le cache-misère. Tu as un maximum d'une dizaine de personnes sur l'image en même temps maxi. Et puis dans les plans un peu plus larges, ça pue le vide. S'ils sont 200 ou 300, c'est le maximum, quoi. Mais ouais, mais c'est atroce parce que tu me vends un génocide entre gros guillemets, ben où ça, il y a trois péquenauds qui sont morts. Ils se battaient avec des fourches, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il allait se passer? Même les scènes de merde. Quand ils les prennent au piège, je perds mes mots. Quand ils les prennent au piège là, d'embuscade, pardon. Oui. Même les scènes d'embuscade, elles sont ridicules. Elles sont nulles. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, il y a 10 soldats, il y a 4 mecs au-dessus qui sont à 1 mètre de haut. Tu dis, comment déjà les mecs ils peuvent pas les voir déjà de base? Tu dis, attends, ils sont plein. En fait, ils ont fait la première, elle était de jour, ils se sont dit, bah non, viens, on la fait de nuit maintenant. Tu sens que ça pue la Attends, lose, parce que ouais, plus c'est... tard dans le film, il y a un débile qui se dit, moi je vais faire mon embuscade, mais tout seul contre 20 soldats. Il meurt. C'est un débile, voilà. Ouais. Bah, t'avais 3 neurones. Meurs, quoi? Man, c'est la loi de Darwin à ce moment-là. Il faut quand même dire que le film ne présente pas ou peu de contre-vérités historiques. Là-dessus, ils ont quand même essayé de respecter un maximum. La seule contre-vérité qui a été notée dans le film, c'est la signature du traité. Où Charette n'y était pas, effectivement. Donc là, pour les besoins de la clause secrète. Alors que là, il est tout seul en face. Ouais, alors que là, il y a que lui qui signe. Ouais, c'est ça. Exactement. Avec le mec qui s'appelle. Comment il s'appelait l'autre que je pensais qu'il allait être Charette. Un traître Non, le mec. Ah, celui qui l'exécute. Enfin. Non. Ah, mais tu cherches encore les noms des personnages. Celui qui vient lui faire signer le contrat et qui a un nom qui me laisse penser qu'il allait être en traître parce qu'il s'appelait littéralement traître de la traitière ou une connerie comme ça. Mais en fait, c'était pas un traître de la traitière. Non, mais c'était pas son nom. C'était. Oh putain, il est dans le chat parce que je voulais souligner. Je fais, mais c'est n'importe quoi. Oui, Marie-Adélaïde de la touche limousinière de La Rochefoucauld ? Non, c'était un mec. Non, c'est juste que j'avais envie de redire son nom complet, en fait. Pfeiffer, Jean-Pierre Travaux, Jean-Louis Machin. De Machin, la tourbière, hein. Quelque chose comme ça. De la tourbière. Ah, la tourbière, c'est pour faire du whisky. Hein. Non, mais je sais... Ça aurait été vachement plus intéressant. Je vais te le retrouver, Jess, t'inquiète pas. On peut parler du fait que les personnages sont très peu développés, quand même, dans ce film. On en a parlé, les persos sont très peu développés, merci. Parce qu'il y en a plein qui meurent, et je pense que t'es censé avoir une larmichette ou quelque chose, C'est plus compliqué de développer un personnage quand il est mort après dans le film, quoi, effectivement. Non, mais au début du film, lui, il est copain, Charette, il est copain avec toute une bande de joyeux lurons, et il n'y en a aucun qui est développé, mais ils vont tous crever. Et à chaque fois, on te montre leur demise, la scène où il meurt. Il y a une meuf qui meurt sur une plage, il y en a un autre qui fait son embuscade tout seul contre 20 soldats. Celle qui meurt sur la plage, c'est quoi? C'est La Rochefoucauld, elle? Ouais, c'est La Rochefoucauld. Oui, et je pense que t'es censé être triste, mais le problème, c'est que tu n'as développé personne. Les relations interpersonnelles ne sont pas du tout justifiées, je ne comprends rien. Déjà, une fois, ils font la fête. Alors déjà, ouais, moi, j'ai cru qu'ils baisaient. Ils font la fête. Violon, déjà, moi, j'ai cru qu'ils baisaient avec sa sœur, déjà. Donc, tu vois, moi... Ou baisaient avec sa sœur. Ah bah, je sais pas, mais à un moment, j'y ai cru. Hein. La relation, elle est hyper ambiguë. J'ai noté, relation frère-sœur ambiguë. En même temps, c'est un film des De Villiers. Ça me semble logique. Et puis, ah oui, cette scène majestueuse où il arrive, avec sa sœur et tout, il se revoit après, je suppose, des années, parce que tu comprends pas trop temporellement comment ça se passe. Il lui fait, et mon fils, elle baisse le regard. Il est mort. Il hoche la tête. Non, elle lui dit même pas. Oui, et oui, donc, bon, t'es là, ok, mais on t'en dira jamais plus. Tu sais pas, il est mort de quoi, lui, il a pas l'air plus triste que ça, il baisse un petit peu les yeux, genre, et puis après, il va signer son contrat. Putain, je sais, c'est pas possible, c'est écrit avec ChatGPT version 1.0, avant la bêta, tu vois. Mais c'est pas possible. Non, et puis t'as des choix aussi, enfin, notamment quand Hugo Becker, tu vois, il est sur un fond noir, machin, tu fais, mais c'est quoi, c'est une pub pour un parfum, Oui, ça me rappelait quand il est dans ses rêves ou ces trucs comme ça, là. La vérité. Non, je sais que moi, je sais ce que ça m'a rappelé. Ouais, ça m'a rappelé la pub des nuls de Farrugia qu'on fait. Je joue mal quand il est dans sa quand il est dans sa prison là. Ça, il y a des shots. Tu dis mais c'est Michael Bay qui est venu faire qui est venu. Non, parce faire, que Michael Bay au moins l'image elle est belle. Non mais t'as toujours les tu sais t'as les plans 360 ah ouais, ouais, à chaque ouais. Fois. Ça ça c'est sûr. Pourtant c'est 2023. 2023 ils ont pas utilisé de drone. C'est une faute professionnelle je pense. Ouais tout à fait. Et juste. Mais ça aurait montré qu'il y avait personne. Je vais dire une connerie mais. On est d'accord que les flingues, tu pouvais les utiliser, mais tu les utilisais avec parcimonie. Ouais, parce que c'est chiant de recharger la poudre. Ah oui, ça prend un temps de fou. Ouais. Il y a une scène où Hugo Baker, il bute un mec, et puis après, il se la joue à la John Wick. Ouais. Il prend le flingue et bam, il direct dans le fond. Piou. Mais mec, pourquoi tu fais ça? Il est déjà mort. C'est style. C'est stylé, hein. Non mais tu as raison Flo, on ne peut pas nier l'influence de John Wick sur la réalisation de ce film. Voilà. Ah ben, ouais. On est d'accord. Voilà. Attends, retire ce que tu viens de dire s'il te plaît. Sinon on va se fâcher. Parce que quand même. Oh mais je crois que t'es bien fâché depuis le milieu de la semaine déjà Jess. Mais ouais parce que moi je me suis infligé ça en mercredi après le taf complètement innocemment tu vois et naïvement parce que je m'attendais pas à ça. Crois-moi bien que j'étais pas contente le lendemain. Mais quelle idée d'infliger ça un mercredi, tout le monde sait qu'il fallait regarder un mardi, c'est là qui passe le mieux. Bah oui bien sûr. Bah oui. Mais si c'est oh et tu sais que c'est comment il c'était pas la bonne heure mais je voyais tes messages arriver sur notre WhatsApp et je lui dis il faut que je lise ça en me buvant un petit whisky à côté parce que c'est des bonbons quoi c'était incroyable. Ah ouais. Et plus on répondait à Jess plus elle se vénère et pourquoi il faut et non, mais on en était à lui expliquer la Révolution française parce que je ne dans mon esprit c'est incompréhensible qu'un parti pris d'un film ou de n'importe quoi dans la vie, ce soit notre leitmotiv, c'est pro-monarchie, pro-église. De base, le film a perdu. Et ça, c'était en déant les 3 premières minutes, et je pensais que c'est moi qui comprenais pas le film. Et j'arrêtais pas de vous poser des questions sur la Vendée pour comprendre ce que je n'avais pas l'impression de comprendre. Sauf que ce que vous me répondiez, vous répondiez à côté pour me faire chier, déjà, qu'on soit d'accord. Oui, mais bien sûr. C'est pas le genre de la maison, hein. Jamais de la vie n'aurait fait ça. Et plus j'avance dans le film, plus en fait ça me confirme que le parti pris du film, c'est qu'en effet la monarchie c'était fiesta, la république c'est de la merde. Oui. Après, oui, y a ça s'appelle un film de propagande, voilà. Parce que je comprenais pas qui était votre premier merde. Napoléon. Ouais, Napoléon, j'ai été confus, j'étais avec elle, Napoléon, du coup. Aussi, ouais, voilà, ah oui, après... Mais je comprenais rien. C'était qui après Napoléon Ier? Bah Napoléon III. Non mais en plus, tu me dis, c'était qui votre premier président de la République? Je te réponds Napoléon III. Dis, non, mais, en fait, tu me trollais. Genre, sérieusement. Mais non. Wow. Alors que, ouais, vous avez commencé par Napoléon III, déjà là, ok, je demande confirmation. Après, il a expliqué que Napoléon III, c'était pas le fils de Napoléon Ier. Alors. Voilà. Et on t'a bien dit quand même que Napoléon III, c'était une petite centaine d'années après les événements de vaincre ou mourir, quand même. Ça n'avait pas grand chose à voir. Du coup, pourquoi c'est dans le film? Ah non, parce qu'il mentionne même pas le gars. Ouais. Non, il parle même pas de Napoléon. C'est toi qui l'a demandé. Ouais, non, c'est vrai, c'est moi. Mais je me suis embrouillé tout seul. Mais attends, ce film, c'est infernal. Je pense que tu t'es auto-embrouillé là-dessus. Ah ouais, parce là, que ouais. Le film, à part l'espèce de narration constante de Charette qui ne cesse de t'expliquer tout ce que tu vois à l'écran. Alors c'est vrai, j'avoue que sans la voix off, moi je suis pas sûre que j'aurais compris quoi que ce soit parce que c'est une succession de petites scénettes où parfois tu vois c'est des torches qui brûlent. C'est pour ça qu'ils l'ont rajouté. Puis t'as un chant. Donc forcément, oui, j'ai besoin d'une voix off. Après, c'est toujours synonyme d'un film un petit peu naze si t'as besoin d'une voix off pour expliquer ce qui se passe à l'écran. On est d'accord. Surtout tout le long du film. Tout le long. Même quand tu le vois, il y a une meuf qui se fait tuer, il va te le dire. Ouais, c'est elle est morte. Merde. Voilà, je pense que de toute façon, c'est révélateur du problème d'un film qui n'arrive pas à bien te raconter son histoire. Ensuite, de toute façon, ça a été rajouté parce que le projet de documentaire a été abandonné au profit d'un film. Et donc, bah, pour mettre du lien, ils n'ont pas eu d'autres, d'autres possibilités. Bah, de faire ça, que, sinon, que oui, c'est incompréhensible. Sinon, oui, oui, sinon tu piques. Ouais, c'est pénible, c'est tellement pénible tout du long. Et putain, j'en pouvais plus. Je souviens, après, t'auras appris plein de trucs quand même. Non, t'as appris qu'est-ce que j'ai appris? Bah si, t'as appris qu'il a inventé du rhum. Mais non, c'est parce qu'en plus, ça s'appelle pas de la même façon. Rhum charrette avec de la... Le rhum charrette, quand même. Rhum charrette, putain. Qui ne vient pas de Vendée, j'espère. Si. Ben non, c'est ouais. la Vendée des Dom Tom. Ah oui, des Dom Tom. C'est aussi des Dom Tom. Ils ont aussi des poussées indépendantistes, mais voilà, c'est pas pareil. Voilà. Après, eux, peut-être qu'ils ont raison. Ce serait pas plus mal que vous leur donniez un statut indépendant, vu le peu d'attention que vous portez à vos. Allez, voilà. Peu de financement aussi, suite à des catastrophes naturelles, selon moi. C'était peut-être pareil pour la Vendée, madame. Alors, ah oui, non, ils ont extrêmement souffert. J'ai vu tout l'épisode des colonnes infernales, qu'apparemment, on est venu cramer plein de gens. Après, ils le... Oui, enfin, à l'époque, on cramait des gens souvent aussi, quand même. Ils étaient 12, hein, les colonnes infernales. Oui, puis à l'époque, on cramait souvent des gens, quand même, je veux dire. Oui, ça va, ça c'est... C'était presque un hobby. Oui, c'était un hobby. C'était un hobby. Non, le hobby, c'était les guillotines. C'est un mardi matin, quoi. Non, le hobby, c'est les petits mecs avec des poils aux pieds. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est Bilbo le hobby. Ça va être un enfer à éditer, ce podcast. Tu remarques qu'on est en train de faire en sorte que tu mettes le jingle blag plein de fois, là. Voilà, là. Après, c'est toi, Jess, tu essaies de comprendre ou de mettre des mots sur un truc. Non, tu ne veux pas chier, c'est de la merde, et c'est ouais, tout. Voilà. Hein. Non, parce que ça fait, va pas... il faut revenir au fondamental du truc. Voilà. Et dire que ce film, c'est de la merde. C'est un film de propagande. Et c'est tout. Quoi. Et c'est presque pas. Ils s'en cachent presque pas, en fait. C'est ça le pire. Pour eux, c'est une. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie d'une construction. C'est une pierre qu'ils apportent à un édifice qui veut arriver à faire reconnaître les souffrances de leur peuple et le. Et c'est un réquisitoire, votre côté. Oui, c'est ça, un réquisitoire sur un génocide vendéen. Il n'a pas eu lieu. Voilà, qui ne peut pas être qualifié de génocide. De génocide. C'est une guerre civile. Ce qui s'est passé, c'est une guerre civile. Et c'est pas un génocide. Voilà. Et ce ne sera jamais reconnu comme tel. Est-ce que ça a aussi une envergure de guerre? Est-ce que tu qualifies ça de guerre? C'est plutôt un conflit civil? Parce que c'est une seule région de la France. Oui, non, mais après, quand on dit guerre civile, c'est le terme, quoi. Oui, après, on parle pas... Pour moi, guerre civile, c'est des Français qui se battent et qui tuent d'autres Français. Hein, se battent avec des Français. Okay, voilà, moi, je pensais qu'il fallait qu'il y ait une plus grosse partie de la France qui se rebelle pour qu'on qualifie ça de guerre. Un peu comme aux States, la guerre civile, c'était le Sud et le Nord. Tu vois, c'est des grosses armées. Oui, mais là... On va pas revenir avec Patrick Swayze, quand même. Donc bon. Non, je préfère que non. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai vu le DVD. T'as de revu Nord et Sud? Non, j'ai revu. J'ai vu le DVD de Nord et Sud dispo dans un cache converteur. Je me suis dit, est-ce que je prends ça pour l'envoyer à Jess pour qu'elle le regarde? Mais est-ce que c'est bien ou pas? Ou est-ce que c'est nul? Attends, ça prend quelle partie? Est-ce que ça prend partie du Sud? Bah non, que... ça prend le parti des gentils. Oh. Bah oui, ça prend le parti des gens qui ont gagné. Moi, j'ai vu ça il y a des années, je regardais ça avec ma maman. Donc c'était un petit peu à l'eau de rose quand même, avec la guerre et tout, bon, il y avait Patrick XVI. Oui, non, mais c'est pas Gettysburg, façon on va couper des bras et des c'est têtes. C'est pas hein. De Patriot avec Mel Gibson. Voilà. Donc, la guerre civile, il me semble. Mmh, c'est la guerre contre les Anglais. Oui. Mais question, est-ce que, du coup, un truc... Vu que vous étiez fan de guillotine, comment ça se fait que le frère de Louis XVI, il a pu s'échapper? Et qu'après, il a donné son soutien à Charette? Mais Louis XVI s'était échappé aussi au départ, il s'est fait rechoper. Il s'est pas fait guillotiner? Si, mais avant, il avait réussi à se barrer quand même, avec Marie-Antoinette et tout. Et il s'est fait choper sur la route, à Varennes, et c'est là, après, qu'ils l'ont guillotiné. départ, comment, comment ils l'ont chopé à Varennes? Ils étaient beaucoup ou c'était trop? Non, c'est ils sont arrivés, j'y étais pas, moi. Dis donc, Louis XVI, voilà. Il a été, il a non, été reconnu, je crois qu'il s'est fait reconnaître. Il a été reconnu par le pompiste, par le pompiste du coin quand ils ont arrêté, quand ils ont arrêté la carriole pour c'est faire pas le plan. Pompiste, c'est le fouiniste. Quand il est, quand c'était le fouiniste, c'est le mec qui met du foin aux chevaux qu'il a reconnu. Donc il était parti acheter des sandwichs triangles et puis voilà. La, non, mais je crois, non, je crois qu'il s'est fait reconnaître et puis oui, il s'est fait balancer. Ah, mais il était incognito, il était en costume et tout. Ou est-ce qu'il était en carrosse en or? Bah oui, c'est sûr que si le mec il est en carrosse en or avec des perruques, oui, bon, là, niveau incognito, on peut mieux faire quand même. C'est ça, tu vois, même. Tu n'as pas conscience. Avec les gyrophares et tout. C'était le truc pas trop incognito. Non, mais je me suis lissé. Ouais, c'est ça, je suis pas trop incognito. Mais ouais, non, j'ai pas compris que son frère ait survécu. Non, parce que Louis XVII, il sait pas son frère. Parce qu'il était peut-être pas non, là. Mais, oui, mais il y en a plein qui se sont barrés quand ils ont senti la merde de la Révolution. Oui, il y en a qui sont partis vite. Hein, des nobles. Ah ouais, il y en a plein qui font... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ils vont tourner. Le Louis XVI, il a réussi à s'enfuir au départ. Il a pas, ah, moi, je pensais qu'il s'était fait choper dans suite, son palais. Non, non, non. Il s'est enfui. Ah, ouais. Après, ça a été relativement trash, oui, je pense, mais... Quoique, la guillotine, c'est... Enfin, non, parce que d'après ce que j'ai lu, c'était pas toujours forcément au premier coup de guillotine que ta tête... Le problème, c'est que ça coupait parfois... pas net, forcément. Ouais, des fois. Et du coup, là, c'est un petit peu trash, parce que t'es pas forcément mort. Ils aiguisaient pas forcément comme il voilà. faut. Voilà. Parce qu'entre les guillotinages, ils s'amusaient pas à poncer la pierre et tout. Donc, pas, c'est ça même dépend... pas ça, c'est que si tu veux être un bâtard, tu l'émousses volontairement, t'as la main, et puis comme ça, c'est plus fun, hein. Ça dépend si t'as envie que la personne souffre ou pas. Pour certains, parce que j'ai entendu, donc ils ont guillotiné des gosses aussi. Et ça, je me suis dit ça, c'est trash. Oui, bah c'est comme brûler à l'époque. C'était un hobby. Vous brûliez beaucoup à l'époque. Qu'est-ce que vous brûliez? Des sorcières. C'était une tradition. C'est ce qu'on appelle une tradition. On a dû brûler un peu de protestants, je pense aussi. Non, mais on était les sorcières. Fun, oui, les sorcières. Enfin, tout ce qui passait pas, tout ce qui passait pas la guillotine aussi. Ou d'enfants. Oui, ouais. Ok. Ouais. Sorry Tom, c'est de recouper. Je sais même plus de quoi on partait pour. Que c'était un mauvais film. On était sur les recos là, je crois. Ah ouais. On est bon. Alors non, petit tour de table. Flo. Vaincre ou mourir. Oui ou non. C'est de la merde. Non, mais parce que Flo et Storm on en ont presque pas parlé. Hein. C'est vrai. Moi, mais j'ai pas envie de parler de cette merde. Est-ce que tu as regardé ou t'as regardé le trailer? Je ne dirai rien sur ce film. Ah non, je l'ai regardé. C'est une merde. J'ai regardé. J'ai parlé des plans 360, machin. Donc, des moments où t'as Hugo Becker qui dit « Ouais, je pensais que j'allais le vaincre. » Les pubs pour le parfum. Non, franchement, non. C'est dégueulasse. Y a rien à dire. C'est de la merde. On l'a dit. On a fait que le dire. C'était beaucoup moins structuré que les trois précédents films. On a parlé chacun notre tour. Là, on a parlé un peu tous à la cantonade. Mais non, c'est de la merde. Voilà. Boo, Storm. Yay ou nay? Moi, j'ai adoré. J'ai commandé le 4K Collector que je vais afficher en gros. le Steelbook 4K Collector limité à un exemplaire signé par De Villiers, tu vois. C'est de la merde, qu'est-ce que je te dis. Le seul truc que je peux te dire, c'est que même ma femme, elle n'a pas voulu le voir. Hein. Pourtant, ma femme, j'ai fait voir des trucs pas possibles et ça, elle m'a dit, tu te le mets où je pense, ton truc. Donc, voilà. Donc, si ça peut vous donner un ordinateur... Non, c'est ça, c'est un ami. Vous n'êtes pas prêt d'aller en vacances au Puy du Fou? Je pense pas, mais non, je m'en fous, j'ai un repas parc à côté de chez moi, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Faire un parc d'attractions, moi. Ouais. Hein. Non, honnêtement, c'est mauvais, c'est nul, voilà, quoi. Ça mérite tout le temps de merde que ça a pris, c'est tout. Après, à la limite, le seul truc qui est con, oui, c'est que t'as des acteurs pas mauvais qui ont été se foutre là-dedans. Bon, après, il faut bouffer, c'est tout. Oui. Non, ça, je refuse cette excuse-là. Je trouve que inadmissible. Non, Jess, tu peux pas le... Mais si, c'est ta responsabilité civique. On en a parlé tout à l'heure. Mais je m'en fous de... Pour toi, tu dis que c'est... Comment le projet leur a été vendu? Tu vois, mais déjà, tu lis en script et tu te dis, tiens, c'est bizarre, ça a l'air de parler pas mal de la Vendée, mais pas de la façon dont il faudrait. Je me pose des questions à ce moment-là, tu vois. Et puis quand tu tournes le bazar, tu te rends bien compte après, que c'est une daube monumentale, non? Qu'il y a aucune direction, que... Et tu t'éclipses, tu fais, j'ai des conflits, comme Jean-Paul Rouve, il avait fait, j'ai des conflits emploi du temps, machin. Ouais. Enfin, il y a quand même plus de mauvais films que de bons films, hein, donc à un moment, il faut quand même tourner. Les mecs, c'est leur boulot, voilà. Bah, vivement qu'on fasse Sacré-Cœur quand même. Ah oui, ben. Mais Sacré-Cœur, ça parle de quoi? Ah, bah. Non, c'est un docu. On fait pas, c'est un docu. Ah, on fait pas. Ah, c'est un docu. Oh, merde. D'où. D'où on fait pas les docus? Tot, non, mais on fait pas les docus qui parlent de Sacré-Cœur. Ah, je suis sur Rocco Siffredi, vachement bien. Le docu? Le docu. Le docu. Le docu Siffredi? Ah ouais, il est vachement bien. Ah, ok, là oui, là oui. Ou alors Tabata Cash, mais bon, il y a pas grand chose. Thomas, t'avais des trucs à rajouter sur ton petit chef-d'œuvre vendéen ou on peut clore ce chapitre. Je pense qu'on a accordé. On est probablement le podcast qui a accordé le plus de minutes à cet étron visuel. Donc, ah ouais, parce que Nanarland en a parlé. Je crois qu'ils ont pas duré autant longtemps que ça. Mais ils l'ont bien. D'ailleurs, allez l'écouter. On en a parlé plus longtemps que les historiens au début du film. C'est clair, putain. Du coup, moi ça c'est suffit, autant exorciser ce truc à tout jamais. Est-ce que ça vous tente qu'on passe à nos recos? Oui. On peut. Oui. Alors, par contre, Flo ne tire jamais au sort octobre 2025 pour le comment pour Sacré-Cœur. Pour date de sortie, c'est le mois de sortie de Sacré-Cœur. Mais ça parle de quoi, Sacré-Cœur? Ça parle d'un docu sur l'église et... Tout vient. Ouais. Jess, tout viendra à point à qui sait attendre. Mais moi, je déteste la religion. Hein. Si vous m'infligez des trucs sur les documentaires sur l'église catholique, on va honnêtement se prendre la tête. Attention, hein, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien Ah non, c'est pas bien quand même. Hein, la religion, ça peut être fun. Non, je déconne. Pardon. Et Jess, tu seras quand même content. Sacré-Cœur, donc, le film a donné lieu à quelques polémiques grâce à son relais dans les médias. Et par sa publicité refusée par la SNCF. Même nous, on n'a pas voulu mettre qu'ils affichent les affiches de Cinoche de ce truc-là chez nous, hein, c'est pour te dire. Le film met en scène les révélations privées que la religieuse Vistandine Marguerite Marie Alcock, putain la vache, dit avoir reçues de... Ouais, de 1673 à 1675 et qui sont à l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. En contrepoint, plusieurs prêtres... Ouais, en contrepoint, plusieurs prêtres commentent le film, ses spiritualités et une dizaine de témoins relatent leur propre expérience à cet égard, notamment au sanctuaire de Paray-le-Monial et au sein de la communauté de l'Emmanuel. Pas celle sur le fauteuil en osier, une autre. Oui, oui. Mais comment son nom à elle vaut largement Marie-Adélaïde de la touche limousinière de la Rochefoucauld. J'avoue que c'est pas mal. On est d'accord. Hein. Ouais. Et l'Irlandaise, elle s'appelait comment dans Vaincre ou mourir? Céleste irlandaise. Buckley. Ah ouais, non, elle était pas irlandaise. La rousse? Ouais. Céleste Buckley. Elle jouait bien du violon. Ah ouais. Ok. Alors, il y avait un cheval qui avait des bons exorcismes. Il y avait un cheval qui avait des beaux fers, au cas où sinon. Ouais, il y avait des jolis chevaux. D'une manière générale, le cheval. On se rattrape. On n'avait pas dit qu'on exorcisait le truc. Et qu'on passait au reco, Jess. Allez, vas-y, hop. C'est toi qui reviens jamais. Mettons ça dans une. Bon, Jess, vas-y, une reco. La plus loin que le mec de Psycho Gorman. Je préférerais tant fois tomber sur Psycho Gorman que sur ça. C'est clair. Alors, en roco, je vais céder le micro à Flo. Et ça rime. Ah, ok. Oh. Allez, on va exorciser ça aussi. Quel connard. Non, moi, je vais vous recommander... au départ, je ne savais pas si j'allais faire une vraie reco ou si j'allais faire une anti-reco comme la dernière fois. Mon anti-reco, ça aurait été le Marsupilami, c'est de la merde, pareil, il ne faut pas y aller. En reco, une série que j'ai découvert sur Apple qui s'appelle Dark Matter. Ah oui, yeah. Avec Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga. On suit l'histoire d'un physicien qui a choisi sa vie de famille plutôt que son travail. Et un soir, il se fait agresser et il se réveille dans un monde où plus personne ne semble le reconnaître et où justement les personnes qu'il connaissait ne le connaissent plus. Et des personnes qu'il ne connaît pas semblent le connaître, et on se rend compte que c'est un petit peu un truc de monde parallèle, et ça a trait aussi un petit peu à tout ce qui est cognitif, etc. Mm-hmm. Donc, voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il n'y a qu'une saison pour l'instant, la deuxième est en cours de tournage ou est pas loin de sortir, donc voilà. Beaucoup d'épisodes par saison? 8 épisodes, ouais, entre 45 minutes et 1 heure. Ouais, c'est fini quand même les séries d'épisodes avec des chiers d'épisodes. Enfin, avec 22, 24 si, combien... Ouais, avec les 24 ouais. épisodes. Combien ouais. d'épisodes dans la saison 73. Ah, ouais. Ouais, je me souviens des séries à 24 épisodes par saison. Je disais, Ouais. C'est plus trop la mode. Ouais, quand c'était des formats 20 minutes, ça va, mais quand c'est des formats 40, 45 minutes. Ouais. Ouais, mais pour les formats 50 minutes, c'était chaud. Ouais, c'est clair. Reco Thomas, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Eh bien, je vais également vous recommander Harrison Ford. Désolé, tu vas avoir un boulot au montage parce que... Mais on l'a déjà recommandé, cette série. Je l'ai déjà recommandé, celle-là. Ouais. Flo, il l'avait recommandé déjà. Ouais, je l'avais recommandé déjà, Shrinking. Storm, en attendant que Tom trouve une autre côte. Ok. Eh ben, moi, je vais vous recommander une série qui est sur Apple Plus, qui s'appelle Shrinking, je sais pas quoi, là. C'est bon. Tom, je me redirige vers toi. J'ai eu un souci de casque et je vous entendais plus. Shrinking, donc, qui est une série Apple TV Plus avec Harrison Ford, notamment. Non, mais on en a déjà. Flo l'a déjà recommandé. Ah bon, je crois que c'était littéralement ma reco de l'épisode précédent. Ah, c'était pour ça que je l'ai regardé, alors. Ok. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça. Attends, je reviens, j'ai une reco, moi, sinon. Bon, alors, c'est là où ça me rassure, c'est que s'il la recommande... C'est qu'elle est bonne. C'est que... elle est trop bien. Bon, bah, attends, heureusement, j'en ai plein des recos, donc je vais vous en faire une autre. Donc, c'est une reco Apple TV+, d'une série qui s'appelle Shrinking, avec Harrison Ford. Non. Bon, bah, salut, il y en a qui... Non, non, alors, une reco podcast. Puisque nous sommes dans l'historique, il y a un journaliste historien qui est sur France Inter, qui s'appelle Philippe Collin, et qui a réalisé toute une série de documentaires, podcasts historiques, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, et les derniers qu'il a sortis s'appelle Sigmaringen, le crépuscule des bourreaux, où sur 7 ou 8 épisodes d'une heure chacun, il raconte en fait l'exil du gouvernement de Vichy à Sigmaringen, donc en Allemagne, au moment de la chute, de la libération de la France en août, septembre 44, voilà. Et comment tous ces gens d'extrême droite ont cohabité ensemble là-bas, et comment ça s'est passé, comment ça se terminait, quelles avaient été leurs interactions avec le gouvernement allemand, et puis leurs espoirs éventuels de pouvoir retourner au pouvoir en France. Donc série documentaire qui sont extrêmement bien fait, extrêmement bien documenté, avec des historiens pour le coup, eux, reconnus. et Philippe Collin, je vous invite, de toute façon, quand vous vous abonnez au podcast sur Sigmaringen, vous avez aussi toutes les autres séries documentaires qui ont été faites. Donc il y en a notamment sur les résistants de la Seconde Guerre mondiale, sur les déportés, sur le maréchal Pétain. Enfin voilà, il y a plein de trucs, et elles sont toutes assez exceptionnelles. Donc allez-y, c'est de la super cam. Voilà. Merci. Stan, je vous ai parlé de Shrinking ou pas? Ah non, mais j'allais recommander une série sur Apple TV, moi aussi, merde. Shrinking, je sais pas quoi, là. Apparemment, ça a l'air pas mal. Non, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, ces temps-ci, pas grand-chose, mais j'ai vu Exit 8, donc sortie 8, donc un film japonais, donc tiré d'un jeu vidéo, donc auquel je n'ai pas joué, on m'en a dit du bien du jeu vidéo, et qu'apparemment, c'était mieux que le film. J'ai pas adhéré, mais ouais. Ouais, je l'ai pas fait, mais après, quand tu vois le film, tu comprends assez vite le concept du jeu, donc je pense qu'effectivement, peut-être qu'à jouer, c'est plus intéressant qu'à regarder. Mais donc Exidate, on va suivre, un mec dans le métro, donc il va avoir un coup de téléphone de son ex-petite amie qui est enceinte, et donc je peux poser la question de savoir si elle garde ou elle garde pas l'enfant et tout et tout. Et donc lui va décider de la rejoindre, donc il va quitter le métro, il va s'enfourner dans les couloirs de sortie du métro, et là, en fait, le couloir va commencer à tourner en boucle, et il va revivre à chaque fois le même passage de couloir. Il va tomber sur un écriteau qui va expliquer qu'il y a des règles, et donc ces règles sont que s'il constate aucune anomalie par rapport au couloir d'avant, il peut continuer par l'avant, et s'il constate une anomalie, il doit rebrousser chemin. Et à chaque fois qu'il ne se trompera pas, il avancera d'un pas pour arriver jusqu'à la sortie 8, qui lui permettra normalement de sortir de ce couloir de métro. Quel genre d'anomalie genre des, il manque des dalles ou ce genre. Ouais, alors ça peut être genre, des trucs. Ça peut être des genre trucs... un génocide en Vendée. Ouais, ça peut être des trucs énormes visuellement. Donc genre tu rentres dans le couloir imaginons parce que donc c'est un grand couloir de métro avec des affiches publicitaires, des ports, des poignées, plein de trucs. Genre tu peux avoir une affiche qui est disproportionnée, donc tu vas le voir hyper facilement. Et des fois ça peut être des trucs mais complètement. L'affiche, tu peux te faire avoir. Changer une lettre dedans et tu. Par exemple, ou à un moment t'as une histoire avec une poignée de porte aussi. Alors le concept est pas mal foutu, le film est correct, c'est pas oufissime, mais moi j'aime bien ce style de film avec cette boucle tout le temps là. Et ouais, c'est un peu une quand tu vois le film, je comprends sans que quoi. Vraiment l'être, vraiment l'être. Ouais, c'est bizarre comme truc. Après, je vois le concept du jeu, je pense que le jeu doit être beaucoup plus fun pour. Et d'ailleurs, c'est ce qui revient souvent de ce que j'ai lu à gauche et à droite. C'est que le jeu est beaucoup plus intéressant que le film parce que là, tu fais la démarche de toi chercher. Là, t'essayes de chercher avec lui, oui, mais ça bon, va vite, t'es quand même orienté parce que la caméra va te montrer, quoi, voilà. Donc, tu peux passer moins de temps. Mais c'est un bon petit film. Ça dure 1h20, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, en plus, c'est hyper digeste. Hein. Donc, voilà, ça se laisse regarder. Le concept est très sympathique. Il date de 2025, ouais. Ouais, il est tout récent, ouais. Moi, je vais vous parler d'une série qui est sur Netflix. Alors, Shrink si... Ah non, c'est pas ça. Non, Shrinking, pas celle-là. Pour moi. Une série qui s'appelle Derry Girls et qui se déroule dans les années 90 à Derry, enfin Londonderry, qui est en Irlande du Nord. Et donc, dans les années 90, en Irlande du Nord, on était en plein milieu du conflit, qui a duré très longtemps d'ailleurs, où t'avais le conflit entre l'Irlande du Nord et du... sud, notamment parce que pas la même religion, protestant, catholique, mais aussi parce que je pense que l'Irlande du Nord était dirigée par des unionistes et que... Par charrette, enfin, donc... c'est une guerre civile, conflit ethnique, tout ce que vous voulez, qui a duré assez longtemps, mais qui s'est terminée dans les années... Ah oui, pardon, 90, je n'arrête pas de dire 90. Mais la série, c'est une série... plutôt une série sitcom avec des petits épisodes de 20 minutes. C'est très drôle, c'est une comédie. Et le parti pris, c'est qu'on va suivre des jeunes filles qui ont entre 15 et 16 ans, qui vont à l'école, dans une école bien catholique, c'est avec des gonzesses. Où t'as une nonne qui est exceptionnelle, la nonne qui est la directrice de l'école, qui est juste parfaite. C'est très, très drôle, mais c'est aussi... très intelligent parce que ça parle du conflit en fait qui se déroulait en Irlande du Nord et de comment les gens qui ont grandi dans ces années-là ont vécu en fait une adolescence où tu es entouré par l'armée parce que tu as souvent des contrôles comme ça où tu as l'armée qui vient contrôler des voitures parce qu'il y avait beaucoup de bombes, il y avait beaucoup d'attaques à la bombe à l'époque où tu plantais des bombes dans des endroits où il y avait des gens, enfin bref. Oui, bah oui. Et donc, tu vois comment... Ouais, des attentats, pardon, c'est le mot que je cherchais. Et tu vois comment ces jeunes filles, elles grandissent dans ce monde-là. Il n'y a pas que des jeunes filles, il y a aussi un garçon qui, lui, vient d'Angleterre, en anglais. Et donc, lui, il doit aller à l'école des filles parce que les gens se sont dit, si tu vas à l'école des mecs, tu vas te faire défoncer. Donc, il se retrouve dans cette école où il n'y a que des meufs. C'est hyper drôle, c'est hyper touchant. C'est pas beaucoup de saisons. Je crois que c'est 3 saisons avec... peut-être 12 épisodes par saison avec des petits épisodes de 20 minutes dont ça passe très vite. Tu peux la bouffer en un week-end. Et c'est super chouette. Ça date de 2018, je pense que... Ouais, 2018 jusqu'à 2022, cette série a duré. Et j'en parle parce que la créatrice de la série, Lisa McGee, a récemment ressorti une autre série sur Netflix que je n'ai pas encore regardée. Mais donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de me faire un re-binge de Derry Girls. Et je vous la conseille, c'est vraiment trop chouette. C'est quoi la série qu'elle a sortie ? L'autre série qu'elle a, c'est un truc, How to get to heaven from Belfast. Donc comment aller au paradis de Belfast, un truc comme Belfast. Ça. Mais je ne l'ai pas encore regardé, qui est plus une série thriller, mais un peu drôle aussi apparemment. Je vous la recommande, je pense que Storm, toi, si tu la regardes, tu vas adorer le personnage de la nonne en charge de l'école, qui est absolument génial. Ouais, mais tous les personnages tu... sont hyper bien écrits, c'est ça qui est très très bien, tout le monde est bien écrit. Format sitcom, c'est cool en plus. Ouais, format sitcom, ça en c'est mangeant, parfait. Tu vois, un truc comme ça. Et puis voilà, c'est instructif aussi, parce qu'on ne connaît pas forcément l'histoire de l'Irlande du Nord, il y a 2-3 trucs intéressants qui sont mentionnés, donc ouais. Je connais les Cranberries quand même, hein. Ah ouais. Les Cranberries, ouais. Je connais leur chanson Zombie parle clairement de ça. Ouais. Si vous voulez, en savoir un peu plus, on a fait un épisode des Baby Gravers il y a quelques mois de ça sur le film Bloody Sunday. Voilà, on est revenu en profondeur aussi sur toute l'histoire de l'indépendance irlandaise et donc des problèmes de guerre civile qui ont eu lieu après, quoi. Voilà. Donc voilà, si le sujet vous tente, ouais. Allez-y. Bah, peut-être, ouais. Faites l'épisode Baby Gravers, ouais. Comme ça vous avez toute l'historique du conflit, et puis vous passez sur Derry Girls, qui est un peu super digeste, un peu plus marade, très chouette, très touchant. Un peu plus funky, ouais. C'est beaucoup plus drôle. Et puis, bah, j'en profite pour rebondir, donc pour aussi traiter du sujet de l'Irlande, de la guerre et tout, allez voir l'épisode de l'Entre de la Peur sur Isolation, hein, qui se on passe parle dans de vaches en Irlande. Irlandaises, ouais. Voilà, de vaches, et qui se passe dans une ferme en Irlande. Ce sont pas forcément protestantes ou catholiques, mais ce sont des vaches un petit peu vénères. Mais elles cassent des gueules, ouais. Parce que tu sais faire la différence entre une vache catholique et une vache protestante. Je pense que tu lui refais... Il y a des tests, tu peux leur faire passer des tests et... ouais. Attends, il y en a eu... Mais elles sont faciles, c'est les protestantes. Elles peuvent ah se bah marier. Oui, évidemment. Bah, bien sûr. Tu les reconnais. Évidemment, bien sûr. Ah oui, ouais. Non, tu peux avoir plusieurs. Ah, alors, oui, que tu peux divorcer. Alors que les vaches catholiques, elles peuvent pas, quoi. Elles sont forcément célibataires, quoi. Ce qui est bien, Storm, c'est que tu as fait la pub avant qu'on passe à la section pub. Ce qu'on va faire maintenant, si on passait à nos pubs. Anonews, est-ce que t'as de la pub? Anonews, nos actifs. Alors le problème c'est que de la news, on a donc l'épisode de l'Entre de la Peur, donc sur le film Isolation qu'on a enregistré avec notre ami Mergrim, et qui était très cool à enregistrer, qui est un très bon film d'ailleurs, qu'on vous conseille les trois, hein, si je dis pas de bêtises, hein. On était assez chaud les trois sur le film, donc voilà, donc... dispo sur tous vos agrégateurs d'écoute. Flo. Oui, tout à fait. Les épisodes de Drôle Vraiment qui sont vraiment drôles. Le 15 de chaque de mois. Podcast. Le 15 de chaque mois. Et là, l'épisode de. C'est l'emmerdeur. Là, on est en train de parler. Ouais, c'est on ça, est le 1er avril. Ah oui. Ah oui, putain, oui. Du coup, le 15 mars, il y a un épisode qui est sorti, qui est un épisode un peu particulier puisque c'est un commentaire de film et nous sommes encore en compagnie de Greg. Donc, Greg qui était venu voir le Baltringue avec nous cette fois-ci, on lui a fait l'honneur de voir. Papa Mobile. Ça a l'air pas très bien, tiens. Rien que le titre. Oh, si, si, si, si. C'est une expérience, on va dire. Ah ouais? Ça parle de quoi? Du pape. Ça parle du pape, de sa doublure et de. Et d'un cartel, caméra, d'un cartel de la drogue. Voilà. Voilà. Entre ça et vaincre ou mourir, tu sauves lequel? Oh bah, Papa Mobile, il n'y a pas photo. Ouais. Je sauve le cinéma. c'est pas bien, mais au moins, il n'y a pas de propagande. Oui, c'est pas un film de propagande. Ouais. Voilà. C'est clair. Thomas, des petites actus. Oui, eh bien, donc 1er avril, donc début mars, un épisode des Baby Gravers sera sorti sur le film coréen About Kim So-hee. Voilà, on parle... Ah, que je t'avais recommandé, il me semble. On est dans la grosse marade aussi, là, sur le suicide d'une étudiante qui était essorée dans son call center par un management toxique. Voilà, super, voilà, magnifique. Et toute l'enquête autour de ça. Exactement. C'est ça. Parce que le film est divisé en deux parties. Ouais. En fait, voilà. Le premier sur ce qui s'est, enfin sur c'est ce qui énorme. Sur ce qui arrive à cette étudiante, et puis une fois qu'elle s'est suicidée, et après l'enquête, une fois qu'elle s'est suicidée, voilà la deuxième partie, la deuxième moitié du film, c'est sur l'enquête et qui est menée par une cette boucle infernale où tout le monde rejette la faute par une flic sur tout qui est jouée par Doona Bay et qui est super. Le film est incroyable. Voilà. Voilà. Hallucinant. Donc, ouais. Donc on a parlé de ça. Et le film suivant, l'épisode suivant des Baby Gravers qui sortira aussi le 1er avril, pour le moment n'est pas décidé. Donc, surprise. Moi je vais vous parler de Couch Lobsters, mais le problème c'est qu'on a plein de retard parce que C'est difficile de trouver un horaire où on est. On peut, vu que mon pote vit en Australie et que moi je vis ici, qu'on a 11 heures de différence, on ne peut s'enregistrer que les samedis. Wow. Et on a eu pas mal de samedis où on n'avait pas le temps de le faire, donc on a beaucoup de retard, mais on va enregistrer la semaine prochaine notre épisode sur Highlander et Goodbye Lenin. Ah, c'est encore celui-là ? Ouais, on n'a toujours pas pu le faire. Et je ne sais pas encore les films qu'on traitera la fois d'après, puisque je ne sais pas à l'avance ce qu'il va choisir pour moi. Et je sais pas. Fais-lui découvrir Vaincre ou Mourir. Ou Psychogorman. Il n'y a même veux. Pas une traduction anglaise, je pense. Il y a des sous-titres anglais de ce film. De toute façon, je me réinfligerai. Mais non, mais toi, tu le fais tout à la mémoire, c'est pas grave. Je me souviens de rien. Mais c'est tellement décousu, qu'est-ce que. C'est pas possible. Non, donc j'hésite. Peut-être de Patriot, j'ai envie d'un film un petit de peu. De propagande. Avec un coma. Ouais, ouais, ouais. Un truc un peu naze. Je sais pas. Si vous avez des idées, envoyez-moi ça sur Blue Sky. Vaincre ou mourir. Par contre, moi je peux vous recommander un épisode que j'ai enregistré avec Thomas pour Baby Driver où on vous parlait du film. Et oui, C'est comme la série Shrinking déjà recommandée. Ouais, mais pas dans ce podcast. Donc voilà. Si non. De quel film? Si. Non. J'ai pas suivi. Oui, mais c'est quel film? Better Man. Ah, Better Man. Putain, j'ai compris Batman. C'est pour ça que je me disais. Oui, sur Batman, le biopic de Robbie Williams. Oui. C'est pour ça que je comprenais pas. Ok. Oui, le truc avec le singe. Pas sur Batman. Le truc avec le singe et des super chansons. On a fait le tour de la pub. On peut faire nos goodbyes. Goodbyes. Goodbye. Merci de nous écouter. Oui. Cœur avec les doigts. Non, cœur avec les mains. Non, c'est comment qu'on dit? Moi, je fais cœur avec les pieds, mais j'ai des chaussettes, alors c'est compliqué. Cœur vendéen. Cœur vendéen. Cœur vendéen. C'est pour vous. Et à la prochaine. Yes. Salut. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut.